et créé à la montagne. Créer la montagne se soit consacré à divers sujets culturels, bien sûr, de la culture de la montagne, et notamment à Jacques Simard et à son concert du 26 octobre à Bussan, que nous donnerons à l'intégralité tout de suite après quelques informations culturelles générales, voilà, et proches. Après quoi, nous aurons retour aux journées d'études vosgiennes, notamment avec Damien Parmentier qui présentait les passages vosgiens, l'histoire des passages vosgiens depuis l'Antiquité et au Moyen-Âge notamment, aux journées d'études vosgiennes qui se sont déroulées il y a 15 jours. Nous aurons... je vais voir si je vous retrouve... disque en vinyle que m'a donné notre ami Stéphane Elie, et qui lui vient de son père, le regretté Pierre Elie. Et ce vinyle est adapté à 11 novembre, puisque c'est le discours sur les poilus de Léon Fraisse. Je vais voir si ça marche sur notre vinyle, sinon nous aurons de l'histoire. Nous aurons aussi ceci d'ici minuit, donc... après l'heure et quelques, l'heure et demie presque, enfin une bonne partie consacrée à Jacques Simard, nous aurons un retour aux rencontres des écrivains belges, et puis, et vosgiens, et d'autres échos, sûrement historiques, tels qu'ils se déroulent ces temps-ci. Alors, tout d'abord, je vais vous narrer tout ce qui va se passer ces jours-ci, les prochaines actualités. Alors, les prochaines actualités sont, outre mon rhume, qui est une actualité pas intéressante, mais enfin, qui m'oblige à m'éloigner du micro 30 secondes pour pas vous donner la grippe, et de me moucher en direct. Il n'y a pas de mystère. Donc, je vais vous passer. Je vais vous annoncer ce qui va se passer ces jours-ci. Alors, demain, atelier d'écriture de Maggie Louis à Fraisse, alors il y a encore de la place, sur le bleu, c'est le thème que Maggie Louis explore en ce moment. La semaine prochaine, le 16, qui est, outre que ça sera sans doute un anniversaire gilet jaune, mais ça c'est bien sûr pour ceux qui veulent faire de la poésie dans la rue, peut-être bien votre serviteur d'ailleurs. Et donc, la semaine prochaine, ça sera le 16, ça sera un atelier d'écriture de la langue de travers à Épinal, au Centre culturel, je vous recommande aussi. Et le lendemain, le 17, toujours atelier d'écriture, mais pas du tout pas à Épinal, c'est à Azraille, c'est un atelier sur rhinocéros et licorne et autres, par Odile Quenel, ça menace d'être croustillant. Ça se passe à 9h30 à la salle qui est communale en face à la mairie de Azraille. Voilà, on peut y aller, puis on casse-croûte sur place, après c'est très sympa. Azraille, moi c'est Moselle, hein. C'est un petit peu loin, mais ça vaut le coup. Et tant que je suis dans une écriture, il y en a un le 30, j'y reviendrai, mais ça sera le 30 au musée d'art ancien et contemporain. Les femmes artistes sont-elles dangereuses? Un atelier de l'Union des écrivains vosgiens, que je vous recommande aussi, avec Claire Chenot et Ginette Hereau. Claire Chenot, c'est une dame qui est présidente de l'Union des écrivains vosgiens, coprésidente, avec quelqu'un d'autre, que je ne nommerai pas. Et puis également avec Ginette Hérault, qui est une sculptrice de Contrex Civil. Alors ces deux dames sont de Contrex, et on aura une visite des œuvres féminines du musée d'art et contemporain dans la première heure. Ça se passe à 14h au musée d'art ancien contemporain. On peut s'inscrire, mais on peut surtout y venir, c'est pas compliqué. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, il y a une activité artistique importante, mais ne serait-ce littéraire artistique. Demain, et aujourd'hui, ça a commencé aujourd'hui, vous avez 23 écrivains et 7 artistes qui exposent et se proposent à Mirecourt dans les rencontres artistiques et littéraires organisées par Jean Vallot au musée de la lutherie, pardon, et notamment de, je peux citer, parmi les artistes, Marie-Pascale Godet et son, qui est une poétesse, et son fils Yuva, qui joue du didgeridoo, oui, voilà. Et donc, ils sont là demain, samedi, et puis sont là plusieurs écrivains, nombreux écrivains, effectivement, c'est Jean Vallot qui organise ça, je vous le disais, et notamment vous trouverez René Vincent Viry de La Bresse qui dédicace ses ouvrages. J'ai pas tous les noms des autres auteurs, mais vous les trouverez si vous regardez sur internet. Et puis en même temps, le même week-end, je recommande à Montureux le Sec, c'est pas loin de Contrex hein, et de Vittel, une exposition de photographie. Sylvie Pierrat, notamment Sylvie Pierrat, qui a fourni un atelier d'écriture qu'on a fait à Saussure au mois de juin. Et donc, elle présente ses très belles photos de la ligne bleue en noir et blanc et en couleur. Voilà. Et c'était vraiment l'âme des Vosges profondes que représente Sylvie Pierrat. Mais il y a cinq autres photographes, et c'est très sympathique aussi. Et alors, j'en viens maintenant à une exposition qui se déroule à Saint-Labor, Moulin, au grand marché bio, oui c'est marché bio, oui, c'est ça qu'on appelle, qui est dans les locaux où se trouvait Brico dépôt plutôt autrefois, et donc donc c'est à ce marché bio, vous avez une exposition de Eric Lehmann qui se déroule jusqu'au 30 septembre. Novembre. Alors avant de passer au thème principal qui est notre ami Jacques Simard, je vais vous faire entendre à l'instant un enregistrement de, si ça passe bien, j'espère, si je ne me suis pas trompé, un enregistrement de notre ami Eric Lehmann, que je connais du fait de sa digne sœur, laquelle a fait un petit film d'ailleurs qu'on peut voir. Voilà, je vais vous faire écouter l'entretien que j'ai eu avec lui tout à l'heure là. Et voilà, ça vous donnera envie d'y aller. C'est tous les jours jusqu'au 30 septembre, sauf le dimanche. Voilà. Mais vous allez voir, si tout marche bien, c'est à l'instant, tout à l'heure, c'est presque en direct. Quoi, voilà. Que je revois mon entretien, là, j'ai un petit problème de lecture sur la piste, là, à moins que je me sois trompé de piste, ce qui m'arrive. Musique maestro pour m'en sortir un petit peu pendant ce temps-là. Voilà. Facite dalla mossa a sti pezzente. E quid cacedet nu pidiem. Quid cadet a nu. cli morte ha refreschet l'anima d'l'obriatoria. Li poverette tutte ce l'hanno dette. Donc, c'est ce qui est dit sur la vidéo en réalité. Ah d'accord, ah oui, on n'entendait pas la vidéo. Éric Lehmann, donc exposition à la manufacture bio de jusqu'au 30 novembre, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Tous les merci, jours ouverts. Oui. Aux... Bonsoir, oui. Tous les jours ouvrables, sauf le dimanche peut-être. Dimanche, oui, ouais. Ça c'est sûr. Peut-être le lundi matin, je alors, pense aussi. Donc, bon, ce sont des minuties, des gravures minutieuses, des voyages. Alors, on va rentrer dans le voyage du voyage. Oui. Alors. Pourquoi cette minutie d'abord de ce choix de dessin extrêmement... quelqu'un a dit japonais, ça fait un peu japonais, mais extrêmement très... Eh bien la minutie, parce que la minutie, la nature est minutieuse, donc il faut capter cette minutie dans la nature et puis là, essayer de la restituer. Pardon. Ouais, c'est pas grave. Oui, donc les admirateurs sont là, ils sont venus nombreux, hein. Bah oui, ce vernissage c'est ce qui est fort sympathique. Ce vernissage adouci de vin bio, d'ailleurs, c'était très bien. Ah bah le lieu s'y prête. Et voilà. Et donc, voilà, moi je me suis baladé déjà avant dans oui. des paysages qui vont des voyages qui vont du Maroc, j'ai vu à l'Espagne. Espagne, Italie. Et puis j'ai reconnu États-Unis. Ah, États-Unis, j'ai pas vu. Paris. Ah, et les calandres de Saussé, oui. Les calandres de Saussé, que je connais bien, parce oui, que oui. Je suis de là-bas. Et les Vosges. Admirable. Et puis les Vosges, j'ai voulu majoritairement mettre les Vosges, parce qu'on est quand même dans les Vosges. Alors donc, ça serait peut-être bien de partir du texte que vous avez écrit, oui. Qui explique bien cette démarche. Oui, hein, je pense oui, qu'on peut le lire et le commenter. Ah ben, bah, je vous en prie, allez-y. Voilà. C'est vous qui le lirez. Hein. Ah bon, bah, très bien. Voilà. Ouais. Alors je vous invite à une balade, balade en noir et blanc, qui s'esquisse au travers d'un paysage, où sommet d'hasard et solitude. C'est vraiment ça en plus. Ouais. C'est-à-dire que je me balade et j'aime bien être seul. Et puis comme ça, je suis vraiment... partie intégrante du paysage. Ça part, oui, l'imprégner. Voilà, voilà, oui, tout à fait. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment, vraiment la minutie, donc la patience, pour pouvoir écouter et puis entendre le paysage et ce qu'il a à vous dire. Et donc moi, en général, avant de faire un dessin, j'ai envie de dire, je fais une sorte de repérage, mais surtout, je m'imbibe de tout ça, du bruit, du calme, du vent, etc., etc., des feuilles, des lumières. Et seulement après, je peux commencer par cadrer, parce que mon format est tout petit. Ouais. Et donc le cadrage est délicat. Vous dites, l'unique hasard me guide. Et c'est vraiment ça, c'est le hasard, on ne l'aimait pas, tout simplement. Donc je prends des sentiers de traverse, on va dire ça comme ça. Ouais. Pas des gros sentiers, mais des petits, et même pas de sentier du tout. Et comme ça, je fais un peu ouvrir les chèvres, ouais. Ou les chamois, ouais. Ou les lynx, ou je sais pas quoi. Et puis, comme ça, je peux obtenir des choses, on va dire, le plus sauvages possible, tout simplement. Et vous parlez de lumière, mais alors cette lumière à travers le, ah ben, la lumière, le trait. Ah oui, la voilà. Lumière, c'est essentiel. Sans lumière, on ne peut rien faire. Et oui. Sans lumière, on peut rien faire, tout simplement. Donc ça, c'est la lumière. Alors après, si la lumière ne me convient pas, je regarde où est le soleil, je me dis, bah là, ça serait mieux tel jour, telle heure, telle saison, etc. Donc je reviens plusieurs fois de suite, d'ailleurs. Au même endroit. Oui, ou je vais pas très loin, et puis je regarde ce qui se passe à ce moment-là. Et si ça m'intéresse, eh ben, si on se parle, le paysage et moi, à ce moment-là, je peux parler du paysage. C'est une méditation, quoi. C'est tout à fait une méditation, ah, absolument. Oui. Ah oui, oui, c'est une démarche tout à fait méditative. Mais active, méditative et active. Vous dites que votre œil et votre plume captent oui, l'essence c'est ça. De ce lieu. C'est exactement ça, l'essence. L'âme, alors. Oui, l'âme, absolument, l'esprit. Oui, oui, oui. Oui. L'esprit d'un arbre, du lieu, oui. D'un lieu, oui, oui, oui, oui, le oui. Rocher, c'est ça, de la c'est mer. Ça. Absolument. Ouais. Cézanne disait que pour oui. Dessiner, je me rappelle qu'il a dessiné un pin tout près de la colline, la montagne Sainte-Victoire. Oui. Et il disait que quand on peignait cet arbre-là, et cet arbre-là spécifiquement, on pouvait arriver à voir que ce même pin petit avait supporté une balançoire et que la branche avait cassé sous le poids de la corde de cette balançoire, et qu'on pouvait distinguer la nature du sous-sol géologique qui avait fait pousser cet arbre. On pouvait même voir le vent et la ténacité avec laquelle cet arbre s'était soutenu par rapport au vent. Enfin bref, on pouvait avoir dans une peinture qu'on va observer au final de très peu de temps, on pouvait avoir un condensé sur 5, 600, 700 000 ans, puisque le sol, la géologie, la graine, les oiseaux, enfin, etc., on pouvait avoir un condensé extraordinaire. Donc c'est cet instant-là qu'il faut pouvoir capter en un seul moment. Et cet instant-là, en réalité, il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Mais oui, il est immense. Sa ligne. Bon, d'ailleurs, je vous ai écrit un petit mot, cette impression d'infinité à travers tout à fait la précision. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ce que ça. J'ai eu, moi. Oui, voilà. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est le trait. C'est Okuzai. C'est, c'est la même chose. C'est-à-dire pouvoir capter ces données-là en un instant. Mais pour ça, il faut avoir l'écoute et la vision de ces choses-là. Vous dites. Je suis alors peuplé de tous ces mondes en un instant. C'est vraiment ça. C'est tout à fait ça. La vie toute entière souffle ici. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais c'est tout à fait ça. C'est vrai en plus. C'est vrai, vrai, vrai, vrai. Il faut le sentir. Je suis pas chaman, mais c'est vraiment ça. C'est un peu ça quand même. Mais c'est ça. Mais c'est oui. C'est rentré dans quelque chose qui. Dans l'inframonde. Oui. Qui apparemment est apparemment réaliste, mais beaucoup plus que réaliste. Qui est complètement réel. Qui est réel. Parce que nous sommes là aujourd'hui. C'est ça qui est génial. Et nous sommes là, de ce fait, c'est pour ça qu'il y a un dialogue entre cette nature et nous. Les feuilles murmurent, puis brillent dans un tumulte entêtant. Oui, c'est ça. Chaque arbre est unique. Oui. C'est comme un individu unique. Il a son caractère, il a pris des décisions, etc., etc. En fonction de son sol, en fonction de ce qui a poussé, de ça pousse pas, de la nudité, des vents, de la neige, etc. De ce qu'on a fait autour, si on a élevé les chèvres ou si on l'a laissé à l'abandon, si on a élagué, pas élagué, si on l'a entretenu avec une relation, c'est exactement ça. Chaque arbre est vraiment unique. C'est un personnage réel et non pas fictif. Il existe bel et bien. Vous pouvez l'entendre même. Vous mettez votre oreille sur l'écorce au printemps, vous entendez sa sève monter. Ouais, ça me rappelle un petit peu un ouvrage sur la vie secrète des arbres là, j'ai lu récemment. Ça se rapproche très peu. On est très près de la pensée de Tsang Tzu ou des choses comme ça, bien évidemment. Alors, c'est quand même, vous citez des auteurs extrêmes orientaux, donc effectivement, on est dans un art un petit peu proche du Japon. Quelqu'un m'a dit ça tout à l'heure, non ? Oui, mais on est dans un art, je pense, plus universel, parce qu'on va retrouver cette façon de faire chez les Hollandais, chez les Allemands, dans la peinture pré-romantique ou dans les dessins préparatoires. Mmh. En tout cas, on va le trouver aussi chez d'autres peintres, comme les peintres du Cinecento, par exemple. Je pense à Léonard de Vinci, parce que c'est à la mode en ce moment. Mmh. Mais il y en a d'autres, bien évidemment, il y en a d'autres où le paysage avait un sens vraiment spécifique. Je pense à Nicolas Poussin notamment, les quatre saisons, où chaque élément qui compose ce paysage, avant les personnages, décrit une situation spécifique de l'âge de la vie, les quatre saisons de notre propre existence par rapport à la nature. Mais il y en a d'autres, je pense à Giorgione notamment, qui est un peintre extraordinaire, et qui a très bien capté justement cet essentiel-là. Donc que ce soit l'Orient ou l'Occident, c'est universel. Moi, ça me faisait penser un petit peu au haïku. Aussi. J'ai cité Okuzai tout à l'heure. Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est exactement la même chose. Ou le geste prime, le geste précis, qui est le résultat d'une pensée achevée, on va dire, ou le geste précis qui est le résultat d'une pensée, peut réellement rendre une certaine donnée des réalités, parce que n'oublions pas qu'il n'y en a pas qu'une. Alors moi ce que j'ai fait, je me suis fait d'abord un petit tour, d'abord le texte est très important, et finalement on l'a dit, plus ou moins le texte, on en a dit l'essentiel, mais je me suis imprégné dans un premier temps du pourtour de l'ensemble. Mm-hmm. Je suis revenu après, oui. c'est assez pédagogique quand même, avec le film qui montre en gros, en grand, la démarche, et quand même, il est utile, c'est donc Régine Lehmann qui l'a fait. Oui, en partie. Oui. Et je trouve que c'est utile aussi, c'est parce que... Et après, on revient, on peut revenir. Mmh. Après, je pense que c'est une démarche de visite qu'on peut indiquer. Tout à fait. Et donc vous allez continuer, bien sûr, ces voyages plus tard. Ah oui, que diable. Voilà. Tant que les jambes me portent et que l'esprit est en moi. Et l'esprit y est, c'est vrai. Bravo. Voilà. Merci, Eric. À vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'était donc c'est l'exposition à la manufacture bio. Oui, voilà, c'est pas le marché bio, la manufacture bio à Saint-Nabor, Saint-Nabor Moulin, donc limite d'environnement, bien sûr. Vous pourrez donc voir ces œuvres miniatures et en même temps très précises, justement très précises, très intéressantes, et puis discuter avec Eric Lehmann. Voir le petit film qui est magnifique aussi et qu'il a réalisé avec sa sœur Régine, que sa sœur Régine a monté et que lui a réalisé avec un commentaire qui est un peu identique à ce qu'il vient de dire. Voilà. Avant de passer effectivement à Jacques Simard, tout de suite, j'ai cherché en vain. Dans la radio, je n'ai pas trouvé un CD de Marie Laforêt. Il doit bien en avoir un quelque part, mais puis je ne sais pas assez, je ne manipule pas assez Internet pour pouvoir vous la retrouver tout de suite, là. Donc, au lieu de ça, je vais passer un disque, j'ai retrouvé un 33 tours des Châtelets. Alors, ça n'a rien à voir, mais si, parce que c'est Brigitte Persin. Et Roland Persin, un couple qui en avait fait des émissions à l'époque, et Brigitte Persin est décédée depuis bien longtemps. Et c'est en quelque sorte un hommage à Brigitte et à Marie Laforêt aussi, quitte à retrouver justement faire une émission sur elle, sur Marie. J'espère que nos autres radio-gémosistes. Retrouveront et feront quelque chose autour de Marie, au moins je referai dans 15 jours, puisque je suis 15 ans madère. Voilà. Entre parenthèses, je voulais m'excuser pour tout à l'heure, l'entretien d'Eric Lehmann, mais c'était du quasi-direct, puisque il fallait que je ne l'avais encore pas nommé sur mon répertoire, et il venait juste d'être fait. Et donc j'ai hésité entre deux pistes qui n'étaient encore pas nommées. Voilà, c'est tout. Brigitte Persin pour aussi les Gassons de Marie, pour aussi Marie. Voilà, toutes deux. Voilà, dans le ciel des ondes. C'est les Gassons de Marie la jolie. C'est les Gassons de Marie la jolie. Qui s'en alla par dépit, qui s'en alla par dépit, ça la par dépit à l'armée. Ils font soldat quoi, quasiment. Quatre disait à ce l'Ondana au lavabou, quatre disait à ce l'Ondana au lavabou. Oh, il y a déjà hurlé les larmes, ça fait sortir l'eau, ça sticote, ça tombe pour faire pour au bawot. Oh, ben. Ils avaient venu grand matin sur le chemin. Ils avaient vu trois grands chiens qui nous disent bonjour cousin. Ils nous avaient mordu les jambes. Nous avons fait grand révérence. Oh ben, ils étaient guère malins. Ils étaient plutôt bêtes quoi. Thank you. Avec des irrégularités dues à notre platine vinyle, je pense, oui, excusez, c'est Châtelet, ils étaient connus au Châtelet, c'est pour ça qu'ils s'appelaient comme ça, ils jouaient chacun de la musique, chacun jouait de son côté, faisait la manche au métro Châtelet, mais c'était des Lorrains de la Meuse, et ils sont venus plusieurs fois, et je les avais reçus d'ailleurs à Guémozeau, quand on était à Rue-sur-Moselle encore, dans la cahute de Guémozeau, justement du Guémozeau. Donc c'est historique, les Châtelets. Hommage à eux, hommage à Brigitte et hommage à Marie, pas à Marie Laforêt, faute d'un disque de Marie Laforêt, quand on essaie de retrouver ça, ça doit se trouver. Hein. Bon, Jacques Simard, lui, ben je vais... Vous le présentez, enfin vous le connaissez, mais j'ai passé déjà une émission il y a 15 jours sur autour de son dernier disque, un de ses derniers disques, enfin peut-être pas le dernier, Sauvage, et là c'est son concert, mais je vais vous donner l'interview déjà que j'ai eu après, c'était très sympa, voilà. C'est pas tout. Alors, Jack, ce concert à Bussan, tes impressions? C'était l'énergie en tout cas, de ta part. Hein. Ah ben, on s'est régalé. On s'est amusé, donc si ça s'est ressenti, c'est bien. On est là pour ça. Ah oui, tu avais plein d'énergie. Moi, je te connaissais. Je t'avais vu au ballon, mais plus seul, sans tes musiciens. Ouais. À l'époque, j'avais déjà cette énergie. Mais bon, là, en plus, tu es une bête de scène. Bah, je peux poser ma guitare maintenant qu'il y a les musiciens derrière, donc je m'amuse. J'utilise mes bras et l'espace. Ouais, j'aime bien tes moments harmonica hein, aussi. Ça, c'est... Ouais. Moi, j'aime bien l'harmonica, ça déchire. C'est cool. Ouais, j'en fais pas souvent, mais je prends toujours plaisir à le faire, l'harmonica. Alors, ce que je retiens, parce qu'en écoutant, puis en ayant préparé une émission avant, autour de ton dernier titre, Sauvage, dont on a eu pas mal d'extraits, là, effectivement, pas mal d'éléments, je ressens de toute ton œuvre actuelle, en tout cas, hein, comme un cri. Ouais. Bah, c'est ce qui ressort de l'album Sauvage. Ouais. Ce spectacle-là, il est très animal, très lâcher-prise, très instinct. Et c'est un cri que... C'est comme une confession parfois douloureuse de ta part. Bah, sans doute, c'est comme je dis, du lâcher prise, j'avais sans doute besoin de dire des trucs, besoin de crier des trucs, besoin de lâcher un peu les watts. Alors ça, tu les sors de toute ta vie, hein. Il y a un petit peu, comme quand tu dis ça pue, ça frise quand même le social, mais tu es plus dans l'intérieur quand même, que dans le social. Ouais, je fais pas trop de je suis pas raconteur d'histoire, je suis pas chanteur engagé, comme il y en a, ils disent. Oui, c'est ça. Moi, je parle que de ma gueule, moi. Je suis super égoïste, ce que je fais. Non, mais c'est pas mais égoïste. C'est pas vraiment de ma gueule, mais je parle de l'être humain. Je suis passionné de l'humain et du fonctionnement de l'humain, des états d'âme de l'humain, des instincts de l'humain. Et son fonctionnement, les humains entre eux. Et... Non, ça c'est pas égoïste parce que tu donnes à fond sur la scène et c'est. Mais c'est quand même ta vie, un cri, une expression. J'allais dire, je sais pas moi, si tu peignais, ça serait Van Gogh, je sais pas, hein, tu vois. Bah ça me fait plaisir que tu compares à de la peinture. Ouais, comme un cri, bah, moi je ressens un cri, essentiellement. Bah c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Sauvage aussi, quoi. C'est très animal, quoi, c'est le côté animal de l'humain. Ta seule chanson sentimentale, d'ailleurs, c'est pour un chien. Ouais. Ouais, ça c'est. Bah c'est sur l'amour que les chiens peuvent porter à leur maître, quoi qu'il arrive, quoi. Il pardonne tout, le chien. Il t'aime toujours, même dans tes travers. C'est l'amour idéal. Alors, par exemple, après le rappel, tu as commencé une chanson tout seul. C'est une de tes premières chansons, ça. C'est récent. C'est la dernière chanson de l'album Sauvage. D'accord. Permettez que je vous embrasse, ouais. Ah non, c'est récent. Mais les passants de Saint-Jean, de la rue Saint-Jean. Ah, je ne l'ai pas joué. Ah, c'est ça, parce que je la connaissais, celle-là. Je la joue plus depuis plein d'années, ça. D'accord. Une paire d'années. C'est ça. C'était sur mon premier album. Oui, effectivement. Je me rappelle que tu l'avais chanté à Limoges, d'ailleurs. Ah bon? Oui. Non, mais je joue plus, ça. Oui. Mais je veux dire que là, tu composes. À l'époque, tu composais tout seul. Hein, ouais. Et donc, c'était un cri qui jaillissait de toi-même. Mais là, tu composes avec tes musiciens, là, évidemment, avec Vincent, avec. C'est toujours moi là, qui fais la base de la composition. Oui. Et Yannick, au piano, Yannick fait les arrangements. Oui. Et il soumet les arrangements à Vincent. Ouais. Voilà. Il y a des morceaux où c'est un peu plus Yannick. Il y a des morceaux, c'est, voilà, c'est ensemble, ça dépend. Alors j'ai appris là au repas, c'était bien, un peu trop court, mais que Yannick est du Midi. Donc vous retrouvez où pour travailler? Vincent aussi d'ailleurs. Vous retrouvez où pour travailler? On se retrouve, on ne travaille pas. On se retrouve à la gare en début de tournée, puis je les redépose à la gare en fin de tournée. C'est ça. Hein. Mais on joue tellement que on bosse, les morceaux ils se rôdent sur les concerts. Et puis on aime bien qu'il y ait toujours une part d'improvisation. On prévoit jamais rien, on n'a jamais de cette liste. On prévoit jamais rien et pour que les concerts soient tous uniques, tous différents. Et là, parce que sinon on a peur de s'ennuyer, sinon. Si tout est millimétré, donc on répète rien. Alors dans ton palmarès, si je peux dire, moi j'avais cité notamment, bon, moi qui te connais depuis quand même des années, mais sans t'avoir vraiment vu en concert, sauf au Ballon, mais c'était quand même un concert. Et là j'ai cité bien sûr Arnaud, même Iselin. Alors ça, on en a parlé un petit peu au repas, parle-nous un peu d'Iselin quand même si c'était pas vraiment une première partie. Iselin, je ne l'ai pas rencontré, on a partagé la même scène, effectivement, mais je ne l'ai pas rencontré, donc je ne peux pas vraiment en parler. Il y a combien d'années Oh, 7-8 ans. Oui. Et Arnaud, c'est récent. 3 ans, à peu près, 3-4 ans. Et c'est là que tu as eu que tu as eu quelque chose en Suisse. Rien à voir avec Arnaud, mais ouais, c'était en Suisse, la première partie d'Arnaud, c'était à l'Alhambra, à Genève. Et non, en Suisse, c'est l'année dernière qu'on a gagné la médaille d'or de la chanson en Suisse. C'est un prix assez bien réputé en chanson française en Suisse. À quel endroit c'était? À Seine-Légier, dans le Jura suisse. Oui, je vois, oui. Ça fait 50 ans que ça existe, cette médaille d'or. Je crois que nous, c'était la 51e. Ouais. Et récemment, ce que je ne savais pas, tu as travaillé avec Cabrel. Ouais, j'ai fait les rencontres d'Astafor dans le sud-ouest de la France. C'est Cabrel qui a créé ça il y a 25 ans. C'était la 25e édition, cette année, une grosse édition. On se retrouve, on est une quinzaine d'auteurs-compositeurs de francophones. On se retrouve, on écrit des chansons ensemble. Ah oui, tu as écrit des nouvelles chansons. J'ai écrit pour d'autres, on m'a écrit des chansons, j'ai composé pour d'autres, je me suis fait composer des chansons. On mélange, le but c'est vraiment de prendre, de piocher, de partager. C'est une très belle aventure humaine. Et on est très bien entouré, très bien encadré par des professionnels très pointus, en plus d'être très sympas. Et tu peux citer les noms Francis Cabrel, oui, par exemple. Non, autrement, c'est des profs de chant, des auteurs-compositeurs, des paroliers qui écrivent pour des grands noms de la chanson française. Et tout ça. Ouais, des metteurs en scène. Là, cette tournée était dans j'ai les j'ai appris beaucoup en peu de temps, quoi. Cette tournée était dans les Vosges. Hier, tu étais à la Bresse. En ce moment, c'est les Vosges, ouais, c'est bien. Je suis pas loin de la maison. Ouais. Mais sinon, tu tournes où en ce moment? Toute la France et toute la Suisse. Ouais. Beaucoup, ouais. Beaucoup en Suisse et autrement tout le grand quart nord-est, quoi. Entre Lille, Strasbourg, Paris et Lyon. Alors quand tu prends ta guitare, enfin, tu composes quand tu pars sur une chanson, qu'est-ce que c'est qui va te... Parce que c'est toujours quand même quelque chose de très personnel. Moi, ça part pas de la guitare déjà en principe. Oui. Ça part quand je promène mon chien. Ouais. C'est plutôt là que je les compose mes chansons, hein, en marchant. J'entends une phrase, j'entends un mot, une expression. Puis je laisse macérer ça pendant quelques semaines. Ça tourne. Puis après, ça sort un jour en marchant. Ouais, parce que c'est les premières phrases commencent à sortir. Puis après, je me mets sur main après. Après, c'est du labeur, quoi. C'est trouver les bons mots, les bonnes phrases qui vont bien comme on veut. Mais ça, c'est une passion, après. C'est que du plaisir. Mais une fois que tu as l'idée, après, c'est que du plaisir. Moi, c'est ma passion, quoi. Et c'est une passion, on voit bien que tu t'exprimes, là, tu sors de là, tu as sorti tes tripes et tes... Je prends beaucoup de plaisir à faire ça, et le jour où je m'amuserai plus, j'arrêterai, en fait. Mais ouais, je sais que j'ai beaucoup de chance, parce que je suis infiniment libre quand je suis sur scène, je fais ce que je veux. Ouais, je vois, ouais. Et je suis aimé, je me fais applaudir, ça me fait du bien. Que demander de plus que d'être libre et aimé? Le temps d'un concert, donc j'en profite. Et tu cherches la limite dans tes textes? Je suis fou, par exemple. Ouais, bah j'aime bien jouer avec les situations un peu... Sur les situations un peu ambivalentes, sur les... Je parle jamais de choses toutes simples, toutes bleues. Enfin, j'aime bien parler de ce qui est compliqué. Ouais. D'essayer de comprendre comment ça marche. Puis, ou juste de faire un... De tailler le portrait d'une émotion. D'essayer de la saisir puis de la retranscrire telle que je l'ai prouvée. Au repas, on avait parlé d'autres chanteurs décédés, malheureusement, comme Léo Ferré. Et j'étais étonné que tu ne sois pas. Tu ne te sentes pas dans l'univers de. Enfin, c'est différent, mais. Il y en a des fois, ils me disent on sent que ta filiation, mais pas du tout, quoi. Je n'écoute pas du tout Léo Ferré. Et Brel? J'écoute plein de chansons françaises. Je l'ai écouté sur le tard, Brel. Ouais, à force qu'on m'en parle. On me disait tout le temps Brel, parce que je fais des grands gestes, tout ça, donc il y en a qui aimaient faire des comparaisons. Et du coup, à force qu'on m'en parle, je l'ai écouté, effectivement, super Brel. Je l'écoute pas souvent, mais chaque fois que je l'écoute, je me dis qu'il est bon. Comme Renaud, comme Gainsbourg, comme Brassens. C'est tous des noms que j'écoute quand même de temps en temps. La base, puis tout plein d'autres choses, beaucoup de morts, mais pas mal de chansons de français aussi contemporains, qui font des belles choses. Et tes prochains projets, tu as bien sûr un nouveau disque, une nouvelle tournée, un nouveau contenu? J'écris beaucoup, j'ai mon immense chantier d'écriture, inlassable, infatigable, qui commence à donner pas mal de nouvelles chansons, donc il va falloir immortaliser à un moment donné, parce que j'en ai besoin. À Guimauzou, il me semble que tu avais dit une fois que tu faisais des ateliers d'écriture chansons. J'en fais de plus en plus. J'anime des ateliers d'écriture. Ouais. Et alors tu pourrais préciser quand, comment? Quand on m'invite. Ah, quand on t'invite. Il suffit de m'inviter. Je fais ça avec grand plaisir, j'adore. Ah. Je vais partout, je vais dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les EHPAD, dans les prisons, dans les partout. Ouais. Là, ça m'intéresse parce que là, on en parlera. Il faut m'appeler, m'inviter. Écoute, ça ne manquera pas de rebondir à partir de cette belle soirée quand même. Le public était... Super. J'étais content, il y avait du monde. Public très attentif et très généreux. Debout aussi à la fin. Moi, ça régale. Ça veut dire que c'est bien, il paraît. Ouais. Mais c'est de la politesse aussi. Non. Ça se fait de plus en plus. Non, on ne se met pas forcément debout. Non, mais oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, écoute, bravo et bonne continuation. Merci. Et longue vie à Radio Guémozo, que j'adore. À Jacques Simard. Voilà, effectivement, Jacques qui nous rend souvent visite, qui nous a rendu souvent visite, qui reviendra, qui est de Bellefontaine, je rappelle, donc il n'est pas loin, quand il est dans la région. Et donc, J'ai aussi sympathisé, mais on ne les entendra pas là. J'ai pas eu le temps de tout de les interviewer. J'ai discuté avec eux, par contre, avec Yannick, son pianiste, qui en plus est de Salon-de-Provence, donc une ville dont je suis originaire aussi. Et Vincent, notre Vincent de Bagnols-sur-Cèze, qui lui est à la batterie, et Yannick au piano. Une très belle rencontre. Alors maintenant, on va écouter le concert, voilà. Avec Jacques Simard, intégral. Je ne l'ai pas retouché, j'espère que ça va être bon. Jacques m'a dit, tu peux y aller, voilà, tu peux diffuser, donc j'y vais. Si je mange si vite, et si souvent je dérape, et si je vis rock'n'roll en peignant mes nuits blanches sur moi, des alcools, et si j'ai mal au dimanche, je sais pas. Pour la débauche, non, c'est pas. Pour l'ivresse, c'est papa. Ce qui me presse de la part, c'est la gauche, je sais pas. Pour des prunes, c'est pas. Pour du beurre, c'est parce que je suis qu'une mouillette, c'est parce que j'ai. je cours le bitume pendant des kilomètres, et si je chronomètre tout ce que je consume, si je plante mes graines, si je construis, si je vis en quarantaine, si je fuis, si je fuis, si j'aime tant être seul, et si j'ai besoin de vous, si je tire une cigale. Bonsoir. Je m'appelle Jack Simard et j'écris des chansons. Et je suis content. Content d'être là. Parce que vous savez, et content d'être content. Jackson du Sud, tu viens du Sud comme un musicien. Non, sérieux. Vous savez, j'ai un truc à dire. J'ai traversé des nuits entières avec cette boule dans le cou, à compter mes pas de travers avec l'obsession d'un fou. Et j'ai marché sans rien dire, la pluie me fouettant la figure. Et j'ai même renoncé au pire quand ça brûlait dans mes chaussures. Et j'ai avancé, cœur au vent, avec mes cheveux qui poivre et sel, couteau à beurre entre les dents, pour taire la douleur qui m'appelle. Je me suis permis quelques entorses, parce que j'y croyais plus que tout. Mais si ce soir je suis à bout, c'est que je t'aime de toutes mes forces. Mais regarde-moi, regarde-moi, avec mes yeux de merlan frit, qui te supplie, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi avec mes yeux de merlan frit, qui te supplie, regarde-moi. Tu sais, je m'en fous de quoi j'ai l'air, pourvu que tu tombes à la renverse dans ces deux gouffres de mystère, et pourvu que tes yeux me transpercent. Le garçon que j'ai construit là, tout autour de moi-même, c'est pas le vrai, c'est pas celui qui donnerait sa vie pour qu'on l'aime. Ça fait 30 ans que je camoufle ce qui meurt au fond de moi. J'arrive à bout de souffle, l'important c'est d'être encore là. Alors fais pas celle qui veut pas voir ce qui dégueule de mes chansons, fais pas celle qui veut pas savoir pourquoi je pleure sous ton balcon. Mais regarde-moi, regarde-moi avec mes yeux de merlan frit, qui te supplie, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Mes grands pas gauche et mes allures de jeune rustre, là où tu vois ma débauche, Moi je vois ma vie qui s'illustre. J'ai vendu mon âme et mon être. Alors au diable, si je me vautre et je viens chanter sous vos fenêtres, parce que je ne sais rien faire d'autre. Et ce soir je frappe à ta porte comme un malheureux espagnol, pour j'ai mis les faire en sorte d'attirer tes feux sur ma gueule. J'ai taillé cette pute à mon route, c'est pas pour faire mon paratin, c'est juste qu'une bonne fois pour toutes, je veux que tu m'écoutes. Ah, je me suis un peu emballé. C'est quoi les paroles? Vous nous regardez? Vous nous écoutez? Vous êtes content? Arrête. Regarde-moi. Regarde-nous. Regarde-moi. Avec mes yeux de merlan frit qui te supplie, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Les yeux du monde, je les emmerde, parce que je n'ai plus rien à perdre. Mais regarde-moi, allez. Bienvenue dans le cinéma, Sima. C'est que tu pinailles en frère des tonnes et que tu t'attires par souci du détail. C'est que tu embrasses du vent, mon ami. C'est que tu en gaspilles de l'énergie pour rien mais convaincu d'être hors norme. Qu'importe le contenu pourvu qu'il y ait la forme. Tu nous fais tout un monde de tes plans de carton. J'y crois pas une seconde et je connais la chanson. Monsieur joue les stars, même rouge écarlate, pendu par la cravate de son complet costard. Mais cette mise en pli n'est que cache-misère, un pauvre derrière quand on le déshabille. Ce sont des arrangements pour lubies et fantasques, mauvais ravalement sur un drôle de masque. C'est du vie sans strass, du bidon paillette, du plaqué en plus classe, de la couille en parette. Arrête, arrête la comédie, arrête ton cinéma. Arrête la poésie, arrête ton blablabla. Arrête la comédie, arrête ton cinéma, cinéma. Arrête la poésie, arrête ton blablabla. Tape à l'œil, mais ton texte, mon œil, que c'est pas du pipeau. Ta caricature n'est que pure camelote. L'heure est à la parlotte et à la démesure. À d'autres, des belles hyper. À d'autres, des paroles, tes paroles et tous tes artifices. Parodies en plastoc, ton discours en toc, ton décor est factice. Si tes gestes occupent les feux des premiers plans, tu sais, on n'est pas dupes et on crève l'écran. Même s'il est opaque, on voit bien au travers. D'ailleurs, ça sent l'arnaque à des années-lumière. gueule. Viens dès l'heure de me laisser du foutage de gueule. Mais tes cris et mon gars, c'est du pas pour de vrai. Tu nous en fibras pas. Arrêtez de voler. Arrête la comédie. Arrête ton cinéma. Arrête la poésie. Arrête ton charabia. Arrête la comédie. Arrête ton cinéma. Arrête la poésie. Arrête ton bla bla bla bla bla. Isabelle, viens ici, l'arrivée du piano. Arrête la comédie, arrête ton cinéma Yannick, arrête la poésie, t'y fais n'importe quoi. Arrête la comédie, arrête ton cinéma, arrête la poésie, arrête ton bla bla bla bla bla bla bla. Il s'appelle Vincent Zichevski, il fait de la batterie. Arrête ton cinéma, Sima. Arrête la poésie. Arrête ton bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. Vraiment, on est très contents, très surpris. Ça fait du bien. Dire que vous avez pris peut-être votre voiture pour, et vous avez payé 10 balles pour venir écouter tout ça. Non, et ça fait vraiment plaisir, je vous jure, je dis ça sincèrement, je dis pas ça tous les soirs. Vraiment, donc merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir été curieux, d'avoir été fidèle, je sais pas quoi, mais merci d'être venus, on est contents. De l'amitié, c'est toujours l'avant-dernier. Hein, Yannick ? Allez, à cheval, mémé, là, les Indiens. J'essaie de mettre les mots en vers, et puis ces vers au bon endroit. Enfin j'accorde mes cordes, je mélange mes doigts et ma voix. Je relis les gares sur les rails, je m'éraille sans crier gare pour mettre mes mots dans vos oreilles. Et de l'oseille dans mon chapeau, ah, je lutte et je redouble d'efforts pour trouver des dates. Je préfère nager en eau trop plutôt que de vivre dans des boîtes. Je suis chanteur, intermittent. Chômeur, intermittent. Prends-le aux yeux des gens. Mais je suis rêveur, ça c'est sûr, permanent, bla bla bla bla. Je redoute m'endormir sur une autoroute. Alors pour tuer l'ennui, je prends les petits chemins, les raccourcis. Je cours après les des cachets qui sont trop souvent des placebos. Je chante aussi pour cacher tout ce vide entre mes os. Valois, je m'actualise sur le site du Pôle emploi. Je cumule et je cotise, je chante aussi pour l'État. Je cumule et je cotise, je chante aussi pour Macron. Ah, je cumule et je cotise, je chante aussi pour l'État. Bla bla bla bla, je suis chanteur intermittent. Nous étreint, je veux que les saisons m'assaisonnent autant que la vie m'étonne. J'ai choisi la vie précaire et puis la folie des grandeurs. Je préfère l'amour au salaire et la liberté dans le cœur. Moi, moi, mon corps de métier, c'est de vous changer les idées. Comme disait le grand Jojo, je suis un artisan des mots. Alors l'avenir incertain, c'est sûr, mais l'ego certain. J'envoie mon monde valser à durée indéterminée. J'envoie mon monde jouer à durée indéterminée. J'envoie mon monde taper à durée indéterminée. J'envoie mon monde chanter à durée indéterminée. Je suis chanteur intermittent. Chômeur intermittent. Prends-le, prends ça aux yeux des gens. Mais je suis rêveur, ça c'est sûr. Permanent, non, non, non. Intermittent, il est batteur intermittent. Je suis guitariste intermittent. On est des branches, des rêveurs. Ça c'est sûr, pour toujours et à jamais. On est allé au bout de l'idée, on a dit tiens, on a qu'à écrire des chansons, faire des concerts et des disques. Oh, bonne idée, on va au bout de l'idée. Ouais. Même si ça paraît désespéré, Yannick il dit toujours, même si ça paraît désespéré, va au bout de ton idée. On verra bien où ça mène. Pour toujours et à jamais, permanent. Allez. De faire ce métier qui est pas vraiment un métier. C'était en Angleterre. Parce que j'ai fait mes études là-bas. Et je m'étais quand même fait une promesse. C'était de ne jamais écrire de chansons d'amour. Raté. Ça m'est tombé dessus. Il s'appelle Babouche. C'est un montagne des Pyrénées de 52,5 kg, vacciné, en bonne santé, très gentil. Il commence à sentir un peu le vieux chien et le sapin. Mais je crois qu'il m'aime pour toujours et à jamais. Alors je vais écrire une chanson qui est sur notre cinquième album. Ça s'appelle Waf Waf, il me restera toi. Je serai devenu tout ce que je déteste, qu'elle ne m'aimera plus et que je boufferai les restes. Quand je serai devenu la pire des bêtes noires, pauvre monstre reclus, vilain petit Simard, quand je me serai trop mouché dans leurs jolies dentelles, quand j'aurai craché dans les soupes les plus belles, quand j'aurai noyé à vouloir me défaire jusqu'à ma dignité, mon ego dans la bière, il me restera toi pour éponger mes yeux, pour écouter ma voix, et pour m'aimer un peu. Quand j'aurai retourné le fond de mes tiroirs, quand j'aurai éclaté mes plus jolis miroirs, quand j'aurai abusé de toutes les gentillesses et envoyé bouler toutes vos politesses, quand j'aurai saboté de ma gueule d'enterrement les plus folles soirées, les plus heureux moments, quand j'aurai déçu mes amis et mes frères, et quand j'aurai perdu même l'amour de ma mère, il me restera toi pour éponger mes yeux, pour écouter ma voix et pour m'aimer un peu. Quand j'aurai fait le tour de mes mille sarcasmes, quand j'aurai coupé court à tes plus grands fantasmes, quand j'aurai saccagé ton plus beau sourire et quand j'aurai pillé ton plus beau avenir, quand j'aurai sans rancune ri de toutes les horreurs et sans pudeur aucune exhibé ma torpeur, quand j'aurai comme un livre dégueulé mes secrets, bouffé mon mal de vivre à tous les ma voix et pour m'aimer un peu encore plus fort, il me restera toi pour éponger mes yeux, pour écouter ma voix. Mon dernier cri, soufflé mon dernier son, quand j'aurai gavé les plus fidèles esgourdes, qu'elles seront devenues sourdes à tous mes vers enflammés, quand je passerai mes armes là de l'autre côté, ce sera toi le plus paumé du cortège des larmes, quand je n'aurai plus rien que la peau sur mes os, moi il me restera toi pour m'aimer comme un chien. Pour écouter ma voix et pour mes... et pour m'aimer un peu. C'est moi ou... Ça pue. Et voilà cette colonie de cafards. Gorgée de ces courants infects. Cette tendance abjecte qui nous refoule ces marais noires et qui s'empare de notre histoire. Sont-ce les cœurs qui se décomposent? Sont-ce les cervelles qui stagnent? Quoi qu'il en soit, cette nouvelle vague ne sentira plus trop la rose. C'était dans l'ordre des choses, et ouais! On va beau faire, on va beau dire. On ne peut plus faire l'autruche. On sait comment ça va finir, hein. On est condamnés, ouais. gentil. Poli, vous êtes poli. Bien élevé. Pas comme moi. Ça... T'es encore là, toi? Bon Vincent, il est bon à la batterie, mais il joue pas longtemps. C'est le seul morceau qu'il connaît, mais il les fait bien. Il s'applique. De toute façon, des deux, mon préféré, c'est Yannick. J'ai le temps long, mon pote. Allez, viens, grands oies. On est trop beau pour être fier, trop jeune pour être grave et pour tout foutre en l'air. Une tripotée, mon vieux, campotée comme pas deux. On n'a pas refait le monde dans les yeux d'une blonde. Viens, dans les bonnes Vosges, qu'on efface et qu'on crame ces querelles qui pataugent, ces amitiés qui rament. Allez, viens, tel que tu es, comme tu te hais et comme je t'aime. Allez, viens, sans rien changer, si tu savais comme je suis le même. Allez, oublions les prétextes et nos fichus névroses. Viens avec tes complexes et tes angoisses virtuoses. Allez, viens, les mains vides et les trous dans les poches. On fonctionnera liquide et chanson à la broche. Allez, viens, avec ton tact, avec tes mauvaises blagues, tous tes défauts intacts. Tes yeux dans le vague. Allez, viens avec ta descente et tes appétits d'éléphant. Viens, dévalera la pente tant qu'il est temps, tant qu'il est temps. Allez, viens, tel que tu es, comme tu te hais et comme je t'aime. Allez, viens, sans rien changer. Savais comme je suis le même. Mais je suis quand même content que tu sois là, mais je te le dirai jamais. Je suis trop garçon pour ça et pas assez bourré. Alors ferme-la et joue. On a d'autres vers à fouetter. Et suis-moi à l'autre bout de la nuit blanche, cassée avec juste cette envie de chanter pour rien, de vivre aujourd'hui, puis tant pis pour demain. Allez, reprends ma voix et reprends la chanson et fais danser sur l'ivoire tes petits doigts de grand. Allez, allez, viens, tel que tu es, comme tu te hais et comme je t'aime. Allez, viens, sans rien changer, si tu savais comme je t'aime. Allez, viens, tel que tu es, comme tu te hais et comme je t'aime. Allez, viens, sans rien changer, si tu savais comme je suis le même. te parle pas d'hier soir. Mauvaise idée. Ce qu'on sait faire le mieux avec Yannick, c'est pas parler. C'est pas les confidences. Où on est les meilleurs, c'est boire des coups, écrire des chansons. Là, on est bon. C'est le seul truc qu'on fait bien ensemble. Il s'appelle Yannick Villeneuve. Il a fait les arrangements des trois derniers albums. Et c'est mon copain. Au piano. Si ça se trouve, demain matin, on sera mort. C'est vrai. Vous y pensez jamais. Ce soir encore, on est passé de l'autre côté des barrières pour les piétiner les rosiers et montrer nos derrières à ces pestes sentinelles qui épinent au faux pas pendant qu'on hurle au ciel qu'on est toujours là sur le mur en équilibre. On boit les adrénalines, on se sent tellement libre quand on flirte avec la voisine. On voit bien ses yeux plantés entre les lames des persiennes, mais on se laisse happer par le chant des sirènes. Allez, dansons sur le mur et cassons-nous la voix. Chantons tant qu'on est là et rions à sa figure. Ah ah, sautons la clôture et passons le trépas. En boîte, on lit le pas et piétinons les sépulturés. Venir salir nos bottes ici, faut pas croquer dans ses pommes, non, faut pas boire de son eau. Mais tous ces ultimatums ne font que remuer le couteau. Alors on dompte ses vipères et on apprivoise ses oies. On se joue de ses chimères, on la provoque, on la tutoie. Mais on va pas se livrer tout cru dans ses pièges empoisonnés. Alors si elle veut nous botter le cul, faudra bien qu'elle vienne nous chercher. Allez, tapons sur le mur et cassons-nous la voix. Alors même si on n'a plus l'âge, c'est trop tôt pour se faire le mal. Quand elle brandira sa faux, qu'il sortira de sa planque pour effrayer les corbeaux. Nous, on dansera comme des branques, dis-moi qu'on rira aux éclats en faisant nos plus belles grimaces. Qu'elle se souvienne de ces soirées-là et de combien on était classe. Plutôt crevé qu'être raisonnable. Alors on va danser sur les œufs, on va faire la cour au diable, on va jouer avec la peur et danser sur le mur et se casser la voix. Chanter tant qu'on est là et on va rire à sa figure. On va sauter la clôture et passer le trépas. Tu restes dans cette position tout le concert ou je change? S'amuse bien. Des tourments se chevauchent, tu n'as que l'embarras du choix. C'est la passion ou la raison? C'est le réel ou le rêve? C'est la lutte ou la trêve? Mais c'est ta décision. C'est mieux que rien ou pire que tout. De toute façon, c'est kiff, kiff pour Rico. C'est la fin des haricots ou bien le tout pour le tout. C'est là que tout se joue. C'est là que tout s'écrit. C'est là que tout se cloue. C'est là que tout se plie. Ce que tu veux, mais choisis. Je te vois qui tergiverse derrière la grande averse de tes yeux indécis. Et j'en peux plus, crois-moi, de te les voir en âge à faire le déballage de tout ce qui va pas. Tu vas pas rester comme un con à étayer les hypothèses, laisser pourrir la situation, ton petit cul entre deux chaises. Alors maintenant tu poses tes fesses, soit d'un côté, soit de l'autre. Faut que je t'y pousse, tu sautes alors. Tu la prends ou tu la laisses. Au pied du mur. Et non, je te donne pas le choix. Alors tu remballes ta désinvolture et sois un homme. Pour une fois. Et maintenant tu te décides. Tu respires un grand coup. Tu prends tes jambes à ton cou et tu te jettes dans le vide. Mais tu vas pas rester là éternellement à peser les pour et les contre. Mais arrête de jouer la montre et de faire dans le sentiment. Mais qu'est-ce qui te retient encore? Mais qu'est-ce que t'as donc à perdre? Si ce n'est toute cette merde que tu rumines encore et encore et encore. Ce que tu veux, mais choisis. Je te vois qui tergiverse derrière la grande averse de tes yeux indécis. Et j'en peux plus, crois-moi, de te les voir en âge à faire le déballage tout ce qu'il veut faire. Mais tu vas pas rester comme un con à étayer les hypothèses, laisser pourrir la situation, ton petit cul entre deux chaises. Alors maintenant tu poses tes fesses, soit d'un côté, soit de l'autre. Faut que je t'y pousse ou que tu sautes. Alors tu la prends ou tu la laisses. D'entendre tes soliloques et te voir traîner ton chagrin, de te voir chercher en vain un semblant d'électro-choc. J'ai Je crois que tu as atteint la limite de tes indécisions. Tu ne peux plus ravaler le poisson puisqu'il te ressort par les orbites. Va falloir que tu le craches. Voilà, petit arrêt dans la diffusion. Il faut que je retrouve la suite. Ouais, il y a un petit problème là d'enregistrement. Voilà, je pense que je vais la voir la suite. Voilà. On a beaucoup de chance. On le sait, on en a profité jusqu'au bout. Yannick Villa au piano. Vincent Cégep qui a la batterie. Camille de Mangeon, son lumière. Merci beaucoup d'être venu et d'être resté jusqu'à la fin. Et à bientôt, pourquoi pas, je m'appelle Jacques Simard, j'écris des chansons. De danser la lambada. Vous voulez une chanson? De la rue Saint-Jean. C'est ma préférée. Toi aussi? Est-ce qu'il y en a qui ont le premier album ici? Oui. Bah, vous pouvez le revendre cher, parce qu'il y a la rupture de stock depuis 6 ans. Par contre, il nous reste les... Ouais, il nous reste 5. 10 balles chacun. Et si vous prenez les 5, je fais un prix. Genre 50. Mais j'offre les frais d'envoi entre ma main et la vôtre. Mais ça fait moins d'un euro la chanson. Hein. Yannick, il dit que c'est ce que ça vaut. Pas top d'accord, mais. Bon, bref, je parle trop. Je vais faire une chanson. J'ai écrit ça, il n'y a pas si longtemps en fait. Un jour où j'avais envie de faire des câlins à la terre entière. Et moi j'ai été élu, c'était en 92, j'avais été élu mec le moins tactile d'Europe. J'ai au moins ce prix là. J'ai pas gagné le prix Jacques Brel, on a fait que deuxième. Mais j'ai fait deuxième, j'ai fait champion d'Europe de pas tactile. Ils mettent des gens dans une pièce, puis il faut absolument pas se toucher, pas se regarder. Je l'ai emporté au lame. Mais j'ai changé, parce que je me suis rendu compte que ça faisait du bien. Essayez. Histoire à nos trousses. Et si pour une fois, contre nos différences, on tentait l'expérience de se tendre les bras. Et si pour une fois, on cessait les grimaces d'être trop à l'étroit dans nos vies, nos espaces, pour voir un peu plus loin que le bout de nos peurs. Pour à brûle pourpoint se serrer en plein cœur. On est seul ici-bas, mais on a 100 fois la place d'ouvrir nos petits bras pour les copains qui passent. On va pas rester là, se regarder face à face. Alors permettez-moi juste que je vous embrasse. Et si pour une fois on faisait fi des autres, des valeurs et des lois pour écouter les nôtres. On est tous ici-bas de même sang, de même race, roulant sous les mêmes poids et vers la même impasse. On est seul ici-bas, mais on a 100 fois la place d'ouvrir nos petits bras pour les copains qui passent. On va pas rester là, pleurer face à face. Alors permettez-moi juste que je vous embrasse. Je vous brisais la glace. Qu'on voit comme je vous vois derrière la carapace. Si j'osais l'impudence de faire le premier pas en mon âme et conscience, que diriez-vous de moi? Si pour une fois j'osais la confidence, quoi qu'il en soit et quoi qu'ils en pensent, je suis juste un petit gars de l'Est de la France qui a besoin de vos bras pour se donner du sens. Je suis tout seul ici-bas, mais j'ai 100 fois la place d'ouvrir mes grands bras maigres pour tous les copains qui passent. On va pas rester là à briller face à face. Alors permettez-moi juste que je vous embrasse. On est seul ici-bas, et on a 100 fois la place. D'ouvrir nos petits bras pour les copains qui passent. On va pas rester là, se regarder face à face. Alors permettez-moi juste que je vous embrasse. Que je vous embrasse. On est seul ici-bas, mais on a 100 fois la place d'ouvrir nos petits bras pour tous les copains qui passent. Et on va pas rester là à se regarder face à face. Alors permettez-moi juste qu'on vous embrasse. J'ai la faim de revanche, béante et viscérale, de mordant chaque tranche, de ma vie jusqu'à la moelle. J'ai les instincts sauvages et le désir vorace. Je suis un lion cage, mais je ne tiens plus en place. plein le cœur et la panse, et puis plein les mirettes, et comblé mes silences. Apaiser mes aigras, mes nœuds dans l'estomac, croquer les plus belles heures, c'est mon dernier combat. J'ai pas à m'en bouffer les doigts, si tu savais à quel point j'ai faim, et je peux encore, crois-moi, je serai gardé vivant jusqu'au bout de la fin. Je veux bouffer mon combat, mais comment l'est jusqu'au bout du festin. J'ai la faim d'un loup qui vient crier famine. J'ai mes envies qui ravinent au revers de mes joues. J'ai mes petites dents pointues prêtes à sauter au cou, prête à croquer toute crue, ma vie par tous les bouts. Et serrer mes mâchoires de jeune chien enragé autour de mon histoire qui voudrait s'échapper. Je ne suis surtout pas parti avec la vengeance. Alors quand ça rentre, je voudrais. Public est debout, applaudir Jacques Simard et ses musiciens. Et voilà, le concert de Jacques Simard, on avait environ 200 personnes à Bussan. La veille, je ne sais pas combien ils étaient à Brest, pardon. Et donc, on espère bientôt à Guémoseau ou dans diverses occasions rencontrer ce généreux Jacques Simard de Bellefontaine, je rappelle. Tant que j'y suis, puisqu'on a parlé de musiciens locaux, je vais réévoquer quelqu'un qui nous a donné un très beau concert il y a 3 ans, ou 4 ans au Théâtre du Peuple. C'était Emmanuel Bémer. Je vais vous passer un petit disque de lui. Ça s'appelle. Le disque, c'est Je est un autre, et là, ça s'appelle Tous les noms d'oiseaux. Thank you. Salut papa, c'est moi. Je sais que je ne suis pas encore là, mais j'ai 2-3 choses à te dire. Tu sais qu'avant, jusqu'au dernier moment, les bébés sont omniscients, alors raison de plus pour t'écrire maintenant. Ma tourterelle, ma mésange, ma fauvette, bien avant que je sois ado, mon hirondelle, ma colombe, ma chouette, on m'aura donné tous les noms d'oiseaux. Tu sais bien, les bébés savent tout. Avant d'arriver dans votre monde de fou, un monde qui rendrait n'importe qui chèvre. Jusqu'à ce qu'un ange les touche, mette un doigt sur leur bouche, d'où cette marque au-dessus des lèvres. Ma tourterelle, ma mésange, ma fauvette, bien avant que je sois ado, mon hirondelle, ma colombe, ma chouette, on m'aura donné tous les noms d'oiseaux. Ici, au paradis des enfants, on est bien, on prend son temps, et ça donne moyennement envie de prendre son envol. Quand on voit comme ça crie, comme ça cogne, on a envie que toutes les cigognes reçoivent une injonction de rester au sol. Ma tourterelle, ma mésange, ma fauvette, bien avant que je sois ado, mon hirondelle, ma colombe, ma chouette, on m'aura donné tous les noms d'oiseaux. Autant m'engager dans l'armée, étant donné tous les corps à corps que je devrais livrer, sans parler des lances, roquettes, autant devenir détective privé, vu les marlots que je devrais semer. Papa, s'il te plaît, rachète-moi de bonnes baskets, étudier toute l'œuvre de Bouddha, devenir championne de yoga, obtenir, je sais pas moi, un master en calme olympien, devenir une ninja, savoir manier un bazooka, plutôt que m'offrir des loup-boutins. Tu m'emmènes à la danse pour que je sois féminine, j'aurais plutôt besoin de cours de kickboxing. J'ose pas imaginer ce qu'ils pensent, si jamais toi tu le devines, réfléchis 2 secondes à la traduction de string. Tu m'emmènes à la danse pour que je sois féminine, j'aurais plutôt besoin de cours de kickboxing. J'ose pas imaginer ce qu'ils pensent, si jamais toi tu le devines, réfléchis 2 secondes à la traduction de string. Alors papa, je ne sais pas ce que tu peux faire pour qu'on nous considère comme autre chose que de la chair fraîche. Mais souviens-toi quand tu seras prépubère, peu importe que tu sois populaire, papa, s'il te plaît, fais-toi une petite anti-sèche. Ma tourterelle, ma mésange, ma fauvette, bien que je sois ado. Mon hirondelle, ma colombe, ma chouette, on m'aura donné tous les noms d'oiseaux. La prochaine fois qu'un jeune con parle de mon petit con, te sort une bonne blague bien gauloise, avant tes yeux qui se plissent, avant le premier regard complice, pense, pense que c'est le mien que tu croises. Ma tourterelle, ma mésange, ma fauvette, bien avant que je sois ado, mon hirondelle, ma colombe, ma chouette, on m'aura donné tous les noms d'oiseaux. C'était Emmanuel Bemer, lequel nous a donné un très beau concert au Théâtre du Peuple quand on faisait les concerts de fin de saison il y a quelques années. Voilà. Et Emmanuel Bemer qui est d'Épinal, rappelons-le, très sympa, chanteur aussi. Voilà. Et qu'il faut rappeler, j'ai retrouvé son CD là, dans un coin de la radio, et ouais, ça valait la peine. Voilà, maintenant, c'est bientôt le 11 novembre, puisqu'on est le 8. Alors, entre parenthèses, c'est un peu tard pour vous l'annoncer, puisque c'était, en ce moment, se déroulait à la Miroiterie, un spectacle avec la compagnie Don Quichotte par la compagnie Si j'étais vous, de Léo Lagrange. Et, bon, c'est très sympa, hein, comme je les aime bien. Hein. Mais, j'ai vu trop tard, de toute façon j'étais ici. Et puis vous aussi, vous étiez avec moi. Si vous étiez là. Oui. Alors bon, donc, j'ai aussi un spectacle que je vais annoncer pour le 23. Le 23, ouais, ça, en fait, ça, je ferai encore une émission la veille, mais bon. Le 23, ça sera. Oui, c'est ça. Le 23 septembre. Septembre. Novembre. Le 23 novembre, donc, ça sera Alain Hiver. Bon, c'est encore pas l'hiver, mais c'est Alain Hiver, un Andéchois qui va nous chanter Jean Ferrat. Alors, c'est quand même important pour ceux qui aiment Jean Ferrat. Et je pense que cet Alain Hiver a une belle voix. C'est organisé à la familiale du Ménil, Thillot. Du Ménil, tout court, on l'appelle maintenant, plus Thillot. Et c'est avec... c'est Renmé qui l'organise, Michel et Renmé, mais surtout Renmé. Il faut envoyer, c'est 10 euros, et envoyer ça à Renmé, rue du Seux, c'est pour le Téléthon. Et je pense qu'il y aura du monde, hein, donc il vaut mieux réserver, voilà. Alors maintenant, le 11 novembre, oui, je disais. Après-demain, non, le 11 novembre, c'est un peu après, c'est après, demain. Il y aura... Sauf dans la rediffusion, puis ça aura été, puisque le mercredi c'est rediffuse. Et ben donc il y a en particulier, tiens, je voulais vous passer un extrait du Croix-Roche de mémoire que j'ai enregistré à Fraisse il y a 3 ans, et on avait toute l'histoire de la guerre. Et il va sortir en fait, bon, cet ouvrage qui devait sortir de témoignages inédits d'anciens, pas d'anciens qui ont fait la guerre de 14, bien sûr, mais d'anciens qui l'ont raconté de par leurs parents, déjà. Eh bien, ça devait être édité dans un livre sur Mémorial qui clôture 4 ans de recherche du comité de la guerre de Fraisse. Mais, malheureusement, d'après ce que je crois, les témoignages ne seront pas publiés cette fois. Donc, à la radio, on les repassera, puis je pense qu'on les gardera en archive dans le site de la mairie de Fraisse, et puis qu'on fera un autre ouvrage. Et c'est des théories inédites. Bon, je comptais vous en passer un morceau, mais il sera temps que vous en passe ultérieurement. Par contre, je vais essayer de vous passer une partie au moins du discours de Léon Fraisse sur les poilus. C'est un disque historique. Et bon, sous réserve que le vinyle marche, parce que tout à l'heure on a des petits problèmes. On va voir. En tout cas, on en passera au moins un écho pour faire couleur 11 novembre, si je peux dire. Voilà. Voilà. Et après, on passera à encore une émission historique avec Damien Parmentier et les passages des Vosges. Donc, on a encore un peu le temps. Voilà. Voici l'évocation du sacrifice par le camarade Léon Fraisse de la Légion Vosgienne. Au cours de cette évocation, il sera procédé au lever des couleurs, au dépôt de gerbes. Au nom des poilus survivants, pour mieux rendre hommage aux poilus qui ne sont plus, tambours et clairons battez et sonnez pour nos morts, le rassemblement. D'hommes, où l'on voyait parfois le père et le fils, a répondu à l'appel du pays. Chaque Français entendait le garde-vous. La bataille de la mer aux Vosges. C'est bien ce que je craignais, le vinyle ne marche pas trop là. Je ne peux pas continuer à vous passer ce document qui m'a été donné par Stéphane Elie, qui venait d'ailleurs de Pierre Elie, qui m'avait prêté une fois, je me rappelle, j'avais passé. Alors, j'attendrai que le vinyle soit réparé, la platine vinyle soit réparée pour le donner. Alors maintenant, que vais-je faire? Je vais rester dans l'histoire. On va quitter le 11 novembre pour aller aux journées d'études vosgiennes qui sont déroulées il y a 15 jours. Avec un reportage que m'a enregistré, et je remercie, Thérèse et François Durand. C'est une conférence de Damien Parmentier, qui vient d'ailleurs d'éditer un livre sur, je crois que je vais vous retrouver ça, oui. Et donc Damien Parmentier nous parle du passage vosgien dans l'histoire, depuis l'Antiquité. Grosses années, à savoir la traversée des Vosges à la fin du Moyen-Âge, puisque c'est la période qui est la plus anciennement documentée pour connaître en fait le trafic qui pouvait y avoir, les voies d'abord bien sûr, mais le trafic qui pouvait y avoir dans les cols vosgiens. Il faut imaginer qu'à partir du XIe siècle, on a un certain nombre de bribes dans les sources documentaires qui sont très fragmentées sur les passages des cols, sachant que de tout temps, à l'époque romaine et sans doute même avant l'époque romaine, le massif des Vosges était traversé par au moins trois voies qui étaient des voies anciennes, des voies de l'époque antique. Donc un massif qui n'était pas infranchissable, contrairement peut-être à l'image que souvent on a pu en donner. Vous savez que les sujets de désenclavement du massif vosgien ont perduré jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on parle encore, et le col du Bonhomme est un très bon exemple, de l'enclavement du massif. Mais en réalité, le massif est traversé par des voies terrestres, on pourrait dire routières, mais on verra que ce n'est pas aussi simple que ça, et toute une multitude en fait de passages qui sont des passages à pied, des passages connus des habitants, connus d'un certain nombre de marchands, connus d'un certain nombre de religieux, qui sont plus confidentiels. Et donc, pour dire que comme la montagne est peuplée, parce qu'elle l'est de façon certaine à partir du XIe, XIIe siècle, en tout cas il y a un vrai démarrage, on va dire, démographique à cette période, le massif n'est pas un milieu fermé, contrairement aux représentations qu'on peut avoir, en particulier dans les textes les plus anciens qu'on connaisse, qui sont les vies des grands saints monastiques du massif des Vosges. Alors c'est sûr que les vies monastiques, il faut savoir, je le dis souvent, savoir les interpréter, savoir lire un peu entre les lignes, puisqu'elles ont tendance, comme elles sont agiographiques, d'enjoliver un petit peu la réalité terrestre, si je puis dire, par rapport à l'activité d'en haut, si je peux utiliser cette image. Alors on a des passages qui sont identifiés depuis fort longtemps. Les plus connus et les plus documentés sont celles aujourd'hui de la RN4, c'est-à-dire entre la vallée de la Bièvre et la vallée de la Zorne. C'est en gros, pour simplifier, le col de Saverne, qui est un des passages historiques du massif, connu depuis l'époque gallo-romaine. Au sud, complètement au sud, la vallée de la Moselle, avec la vallée de la Thur, donc la RN66 actuelle, qui est l'autre grand col, l'un tout au nord, l'autre tout au sud, qui franchit la partie la plus élevée du massif des Vosges, puisque le col de Bussan, pour les époques anciennes, est un col d'altitude. Et puis, au centre du massif, on a un ensemble géographique que vous connaissez, qui est constitué par la nationale actuelle, nationale 59, l'ancienne nationale 420, aujourd'hui route départementale, par la Fave et par la Bruche, encore que les voies n'utilisent pas forcément, à la fin du Moyen-Âge, les routes qu'on utilise nous aujourd'hui au début du XXIe siècle, et puis bien sûr la 415 qui passe ici, celle qui franchit la vallée de la Meurthe vers la vallée de la Weisse, donc en direction de l'Alsace centrale. Ces cols sont connus historiquement, sont documentés. Le col du Haut-Valch pour la RN4, donc pas exactement sur la voie actuelle, le col de Bussan, je l'ai évoqué, le col du Bonhomme, le col de Salles, mais pas le col de Salles qui passe par Provenchère, le col de Salles qui passe par les hauts de Belfeuille, qui vient donc de Moyenboutier par Étival, le col de Trace, qui est juste au-dessus entre Étival et Étiaville, et qui fait cette route très ancienne, la voie des Sauniers, comme on l'a appelé dans les textes anciens, qui passe aujourd'hui en gros par les éoliennes. Si vous voyez où se trouvent les éoliennes, le col de Belfeuille, qui est situé, donc qui n'est pas dans le fond de la vallée, puisque souvent ces routes anciennes sont plutôt sur les hauteurs et pas dans les fonds de vallée pour des questions d'inondation, pour des questions de guet-apens, enfin, je vais l'évoquer rapidement. Et puis, le col de Sainte-Marie, qui est l'autre col important, avec qui là aussi est documenté, ne serait-ce que par les forteresses qui le surveillaient, en particulier à Visambas, avec le château qui se trouvait au-dessus, mais j'y reviendrai. La plus anciennement attestée de toutes ces voies du centre du massif des Vosges est la fameuse voie des Sauniers que j'évoquais, qui remonte en fait une partie de la vallée de la Meurthe et qui se divise, l'une montant vers Salles, l'autre montant vers Fraisse-Plainfin, pour utiliser une terminologie actuelle, et qui franchit donc la crête en direction de l'Alsace, l'une plutôt en direction de Strasbourg, l'autre plutôt en direction de Colmar. Celle de Bussan franchit en direction de Bâle, et à partir du XIIIe siècle, à partir de 1250, la grande voie qui passe par le col du Bussan franchit les Alpes par le Gothard, puisque le Gothard est ouvert au milieu du XIIIe siècle, vers l'Italie, vers Milan et le reste de la péninsule, italienne. Donc ces voies pour le centre de la, du massif des Vosges viennent pour beaucoup d'une époque, de l'époque romaine. On a cette grande voie principale qui part de Lyon en direction de Trèves, qui est vraiment l'artère verticale nord-sud, et qui ensuite, par une série de diverticules, part vers l'est pour franchir le massif. Donc, massif qui est franchi depuis des temps relativement anciens. Vers l'est, donc je le disais, la voie la plus ancienne, c'est celle qui part de Moyenmoutier venant de Deneuvre, qui franchit donc le Gué à Étival, le Grand à Beaumont, et qui ensuite file en direction de la Salcée, Belfeuille, la Salcée, donc aujourd'hui on pourrait dire Bourbruche pour faire court, et qui redescend le Val de Villers. Une voie aujourd'hui qui est finalement praticable, plus ou moins carrossable, tantôt goudronnée, tantôt en chemin forestier, on peut dire aujourd'hui, avec encore quelques traces de soubassement de cette voie ancienne romaine qui passait dans ce périmètre. L'autre grande voie qui part, elle, dans ce centre du massif des Vosges vers le sud, c'est celle qui franchit À l'époque antique, le fameux lieu appelé Yugturae, c'est-à-dire jointure, c'est-à-dire scindié, pour faire court aujourd'hui, vers le col du Bonhomme, où l'on se trouve à Fraise, bien sûr, aujourd'hui, en direction de Colmar. Au nord, le col du Ovalche, donc qui est un col secondaire aujourd'hui, un col forestier, la voie, la route nationale 4 aujourd'hui a changé un petit peu le tracé, mais l'orientation reste la même, qui descend en direction de Saverne, la fameuse ville romaine de Tres Tabernae, hein, qui est l'origine du mot de Saverne, où on trouve des gîtes et puis du repos pour les chevaux, comme on le trouve d'ailleurs à Bussan, avant de franchir le col dans la zone sud. Et puis, on a également la voie de la Moselle, Francis connaît bien ce sujet, qui est une voie secondaire, qui a attesté, une voie d'époque romaine également, une voie secondaire, qui fait ce trajet de Metz à Bâle, et à partir du XIIIe siècle, qui viendra plus largement vers l'Italie. Ces voies, donc ces quatre voies principales, Saverne, Salles, Le Bonhomme et Bussan, sont des voies qui sont bien sûr surveillées. Vous l'imaginez bien, au Moyen-Âge, le trafic, vous allez voir tout à l'heure que le trafic est vraiment de toute nature, et en particulier dans le col du Bonhomme, ces voies sont surveillées pour des raisons de sécurité, bien sûr, mais aussi tout simplement d'entretien, puisqu'il faut bien que, vous savez, l'entretien des routes, c'est un vieux sujet. Hein, c'est toujours un sujet fiscal, l'entretien des routes. Hein, qui paye ? C'est un vieux sujet qui paye, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas un sujet récent, on va dire ça comme ça. Et donc, ces châteaux qui surveillent les voies, c'est par exemple, bien sûr, le château, alors je prends les exemples pour le bassin de Saint-Dié, le château de Haute-Pierre dans la vallée de Moyen-Moutier, à la fois qui protège l'abbaye, mais qui protège aussi la voie qui file en direction de Salles, le château de Spitzenberg, vous en aurez quelques illustrations tout à l'heure, et puis le Frankenbourg dans le Val-de-Villers, hein, qui suit la voie. Vous trouvez pour le col du Bonhomme, au Bonhomme, le Gutenberg, dont on voit vaguement encore une ruine quand on descend en direction de Kaisersberg, et puis bien sûr le château impérial de Kaisersberg lui-même. On retrouve un château à arches qui protège le bas de la vallée de la Moselle pour remonter en direction du col de Bussan. Et puis à Saint-Amarin, le Schlossberg, à côté de Saint-Amarin, à Krutz pour être précis, qui sert de péage. Autre péage sur Tann, avec le château qui protège également la vallée. Donc on voit que toute cette armature de voies principales est elle-même, à partir du XIIe siècle, en tout cas c'est attesté à partir du XIIe siècle, protégée par une armature de châteaux et de péages. Vous imaginez bien que les voies, il faut les entretenir, donc il faut les payer. Hein. AP2R n'a rien inventé, hein, quand on paye nos autoroutes, hein, c'est toujours le même système, sauf que les seigneuries ont évidemment évolué. Et puis, parallèlement à ces voies principales, une multitude de chemins qui sont, des chemins de passage pour des mulets, pour des piétons. On porte beaucoup sur le dos, hein, il n'y a pas que les animaux de bas. Et puis, bien sûr, sur ces voies principales, des charrois, et je l'évoquerai tout à l'heure également. Donc, ce massif, vous avez là la belle représentation de la carte de Thierry Alix, qui est très connue, qui est une carte de la fin du XVIe siècle, pour lequel, malheureusement, on aperçoit que le Val de Saint-Dié, sur une toute petite partie, puisque le col du Bonhomme, en fait, se trouve en fait, ici, c'est-à-dire hors du champ de cette représentation. Par contre, vous avez ici la représentation des passages pour la vallée de la Moselle. Vous avez bien sûr les cours d'eau avec la ville de Gérardmer, que vous trouvez ici, avec son lac, Longemer, Retournemer, le Honec, et puis derrière, le Val de Münster, un petit bout du Val d'Orbé. C'est la première représentation figurée du massif. C'est la première représentation qui nous donne, en fait, les voies qui remontaient au fond des vallées. Vous avez les routes ici qui partent de Gérardmer, la petite route qui monte le bord du lac de Fonrue, etc. Hein, et vous avez également les tracés pour le Val de Saint-Dié jusqu'au Valtin. Le village du Valtin est très bien situé sur cette carte, mais malheureusement, parce qu'il faut savoir que cette carte a réalisé pour des enjeux très importants qui étaient la maîtrise des hauts de chaume, à savoir est-ce que c'était les Lorrains ou les Münstériens qui étaient propriétaires des chaumes, mais ça c'est une autre conférence, je n'entrerai pas sur ce sujet à cet instant. Le massif est également représenté, donc au tout début du XVIe siècle, je donne cette représentation dans un ordre non chronologique, une carte peu connue qui est de Martin Van Semuller. On devrait pourtant le connaître dans le Val de Saint-Dié puisque c'est lui qui fait la fameuse carte notant Amérique pour la première fois. Une très belle représentation des voies également, des voies et donc des rivières, puisque voies et rivières fonctionnent au XVIe siècle, où vous avez Saint-Dié qui est représenté ici, Santo Deodato, vous l'avez au fond de la vallée, vous n'avez pas le reste de la Lorraine, mais vous avez les monts des Vosges avec Tann, qui est noté Dan, vous avez Münster, vous trouvez toutes les vallées aurinoises ici, avec les franchissements effectivement de ce massif. Le reste étant ici la Nigra Silva, la forêt noire, qui est représentée, le dit Martin Van Semuller étant du secteur de Fribourg, il représentait aussi son territoire à travers cette carte. Voilà le secteur en zoomant un petit peu, vous avez Saint-Dié ici, Sankt Deodato, vous avez Saint-Amarin ici, pardon, Saint-Amarin est ici, et là vous avez la vallée de l'Aulère, avec Mulhouse que vous retrouvez ici, hein, et puis les franchissements, Schirmeck, la vallée de la Bruche, le secteur hein, dont on parle ici, le col de Trace, et puis le col de Sainte-Marie, le col du Bonhomme, pardon, qui se trouve ici, pour redescendre à Turckheim. Hein, vous avez ici le passage Kaisersberg, qui se trouve situé exactement ici. Donc, une cartographie relativement ancienne, hein, début du XVIe siècle, qui montre en fait en perspective le massif des Vosges. Alors, je parlais des voies qui franchissent. Hein, voilà, c'est tiré d'Alban Fournier, parce que jusqu'à présent, on n'a pas fait beaucoup mieux dans les tentatives de reconstitution des voies anciennes. Vous avez l'illustration pour Saint-Dié par le col du Bonhomme, la fameuse Parscarue, puisqu'à l'époque, le col n'était pas sur le tracé, pour le col du Bonhomme, le tracé actuel, il était légèrement différent, pour des raisons de pente, pour des raisons, parce que la traction animale, la traction motorisée est un peu différente. Mais en tout cas, voilà, des tracés qui ont finalement, quand on les compare à des tracés qui avaient été donnés au début du 18e siècle, pardon, des tracés qui ont finalement peu évolué, à l'exception justement du tracé en direction de Sainte-Marie. Celui du Bonhomme reste un tracé classique, un tracé ancien. J'évoquais la protection des passages. On a très peu d'illustrations anciennes des châteaux qui gardaient en fait ces passages importants. Je vous ai donné une illustration pour deux secteurs qui nous concernent sur le bassin de Saint-Dié. La représentation du château de Spitzenberg. Alors, quand on dit que, évidemment, Spitzenberg a été bombardé largement en 1914, il avait déjà été largement détruit au XVIIIe siècle, mais on voit très nettement l'état de la forteresse, hein, qui n'était pas une petite forteresse à deux sous, qui était un grand château important, avec des tours, hein, vous les voyez ici, qui gardait à la fois le verrou de Salles, le col de Bellefeuille, puisque la route n'était pas en bas, et puis qui, au loin aussi, apercevait le col de Sainte-Marie. Hein, l'endroit où il est, le piton sur lequel il est, il contrôle autant vers Moyen-Moutier et donc vers le col de Sainte-Marie que vers le secteur de Salles sur la crête. L'illustration donc du château du Gutenbourg, donc au-dessus du Bonhomme, quand vous descendez, donc un château des Habsbourg qui passera au Ribeaupierre et qui sera vraiment le péage, hein, le Bonhomme en fait. Le Bonhomme, c'est Saint-Déodat, hein, pour ceux qui n'ont pas la transcription. Donc un passage important, hein, qui est le premier péage des comtes de Ribeaupierre, le péage historique, et puis plus tard, s'installera plus bas dans la vallée, le péage généré par l'empereur avec le château de Kaisersberg. Le col du Bonhomme, donc justement, le château impérial de Kaisersberg avec son passage, j'avais une très belle gravure de Mérian qui donne l'arrivée, voilà le château actuel, hein, le château que l'on perçoit, la ruine avec Kaisersberg, ici, là c'est Kinsheim, et vous donc l'arrivée du défilé au pied du col du Bonhomme côté alsacien, hein, une représentation du milieu du XVIIe siècle, et puis la forteresse côté est, c'est-à-dire exactement dans la perspective dans laquelle elle est prise là, hein, pour marquer l'entrée, le passage du col. Kaisersberg ne doit sa construction que parce que l'empereur décide d'y établir un péage au début du XIIIe siècle. Donc on voit l'importance des cols, et s'il y a péage, vous imaginez bien qu'on ne met pas un péage à des endroits non rentables. Toujours la question du domaine royal ou impérial, c'est-à-dire la question fiscale. Je vais un peu insister là-dessus. Franchir les cols, c'est aussi tenir compte des saisons. Parce que, évidemment, nous, au début du XXe siècle, le col du Bonhomme, mais quand il y a de la neige, il ne faut pas être trop hardi pour le franchir. C'est un col qui se franchit aujourd'hui facilement, pour peu que les services départementaux des deux versants soient coordonnés et déneigent le col. Mais imaginez quand même que dans des époques plus anciennes, celles de la fin du XVe siècle que j'évoque là, franchir le col ne se franchit pas en toute saison et en toute période de l'année. La saisonnalité est quelque chose d'important. Les charrois sont très importants au printemps, en été et au début de l'automne. Et selon les périodes, on a des périodes hivernales plus marquées et des périodes hivernales moins marquées. Vous savez, c'est notre débat du réchauffement climatique aujourd'hui. Mais là aussi, je ne m'aventurerai pas directement sur ce terrain. On le franchit, je le disais bien, donc à pied, sur des animaux de bât et sur des chariots qui étaient montés. À partir du moment où il y a des charrois sur les cols principaux, les cols sont entretenus. Parce qu'aller faire rouler un chariot chargé, je vais prendre pour l'instant l'exemple des tonneaux, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans, mais l'exemple des tonneaux, il s'agit quand même que la voie soit plutôt en bon état. Je ne veux pas dire qu'elle est... on n'est pas sur du bitume, hein. Plutôt en bon état. Elle est sans doute souvent non pavée, contrairement là aussi à l'idée qu'on imagine que Rome aurait laissé pendant 1000 ans des voies parfaitement entretenues. Il y a eu juste un peu de... les francs, enfin bon, etc. Je ne vais pas m'étendre là non plus. Un autre phénomène au-delà de la saisonnalité, c'est celui des animaux sauvages. Il y a peu de chance, aujourd'hui, avec votre C3, je n'ai pas d'action chez Citroën, que vous soyez abordé par un ours, ou par un loup, ou par une bande de loups, ou par plusieurs ours. Mais à l'époque, quand on voit les contes qu'on a gardés du 18e, du 19e siècle, la bête sauvage, et en particulier cette grande faune, puisque c'est ce qui reste au 14e, 15e, je vous fais grâce des aurochs et autres animaux sauvages qu'il y avait encore au 8e et 9e siècle dans le massif des Vosges, la composante de l'animal sauvage est quelque chose qui aussi pose un certain nombre de difficultés au transport. Il faut, ça paraît un petit peu simpliste de l'évoquer comme ça, mais c'est un point non négligeable. Et puis vous rajoutez aux animaux sauvages, d'autres animaux qui parfois peuvent être également sauvages, ce sont les hommes, les brigands, les chevaliers qui rançonnent au passage parce qu'on n'est pas d'accord avec le suzerain qui a décidé d'un impôt, etc. Et on rançonne les voyageurs, les marchands, etc. Donc d'où les châteaux, d'où la sécurisation par les châteaux et par les gardes et les différents arrêts des charrois. Ce sont des choses bien réelles, on a plusieurs textes qui évoquent pour le bassin de Saint-Dié, les chanoines de Saint-Dié font dire des messes pour les préserver des gens des pays d'Alsace. C'est-à-dire, en gros, quand on passe le col pour aller de l'autre côté, on est rançonné par les Alsaciens. Hein. Donc ça, je pourrais m'étendre là-dessus, mais je vais faire court. Évidemment, quand je suis en Alsace pour évoquer à peu près les mêmes questions, je fais très attention et j'évoque des messes qui sont dites à Tann. On a un très bel exemple qui évoque un peu le même sujet dans la vallée de la Moselle. Voilà, hein, mais je suis prudent, je suis du côté lorrain aujourd'hui, ça va bien. Donc, on le voit, des conditions de transport, des conditions de passage qui varient en fonction des saisons, en fonction des contraintes liées au milieu naturel, en fonction, bien sûr, des événements politiques ou des événements locaux qui font que, par moment, on se bagarre. On essaye d'arraisonner les chargements, on essaye en tout cas d'entraver la circulation des biens et des personnes. Alors, que transporte-t-on et qu'est-ce qui transite dans les cols vosgiens au XIVe et au XVe siècle? On a, je pense aujourd'hui, énormément de mal à imaginer le nombre de charrois qui traversaient en particulier le col de Bonhomme et le col de Bussan. Et je vais me focaliser sur ces deux cols, et bien sûr un peu plus sur le col du Bonhomme. Vous verrez que le col du Bonhomme est sans doute le plus intéressant, parce que le plus, illustré. Je vais commencer par Bussan. Je vous disais tout à l'heure que le col de Bussan était le grand col international, et au XIVe siècle et au XVe siècle, il est vraiment le col international, puisque on a toute une série de textes qui nous expliquent ce qui passe par le col de Bussan, provenant d'Italie en particulier, et même, pour certaines des denrées, de Constantinople. On n'imagine pas aujourd'hui, hein, quand on voit un camion roumain, pour d'autres raisons, qu'il transporte soieries provenant de Constantinople. Mais au XIVe et XVe siècle, les marchandises qui transitent par le col de Bussan sont absolument assez extraordinaires quand on a les sources pour le démontrer. Je vous disais qu'avant 1250, l'ensemble du trafic passait par le Grand Saint-Bernard, et à partir de 1250, avec l'ouverture du Saint-Gothard, on a plusieurs voies qui permettent de remonter vers le nord. Alors on ne remonte pas les produits d'Italie ou d'Orient pour le plaisir de les remonter, on les remonte parce que la France, le royaume de France, puisque nous sommes en terre impériale, ne l'oublions jamais, le royaume de France, en fait, a mis en place depuis le XIIIe siècle toute une série de très grandes foires qui sont connues dans l'Europe entière, en particulier les foires de Champagne, et ces foires de Champagne, ou celles de Provins, sont sur la route des grandes foires de Flandre. Et donc ce grand itinéraire du sud du massif, en fait, fait transiter des denrées qui partent de l'Italie et de plus loin vers les foires de Champagne et la Flandre. Et on a dans les textes qui sont conservés toute une série de denrées qui sont transportées. On le sait parce qu'on a quelques textes conservés pour l'abbaye de Remiremont qui touchait bien sûr le péage quand on arrivait en bas du col de Bussan, puis ensuite à Remiremont pour l'Agde, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même des animaux de bas, des chevaux, des ânes, des mulets, etc., et qu'on n'avance pas à la vitesse d'une voiture. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut que les animaux se reposent, les hommes, il faut aussi que les animaux se reposent. Donc on avance quand même relativement lentement, mais ça circule. On remonte des soieries venues, je le disais, de Constantinople, avant, bien sûr, 1453, et d'ailleurs même après, les Turcs, l'Empire ottoman saura très bien continuer à vendre les produits des comptoirs qui sont installés donc en Asie mineure, mais aussi des soieries d'Italie, des draperies, puisque autour de Milan, autour de Florence, on a une grande industrie textile de teinture en particulier, comme on le retrouve d'ailleurs dans d'autres secteurs d'Europe, et puis de la verrerie. Alors sur la verrerie, je vous en parlerai un petit peu plus après. On retrouve également dans ce col, dans le sens inverse, des produits qui descendent du nord, c'est-à-dire depuis la Flandre, les Flandres, depuis les foires de Champagne, depuis la Lorraine, depuis l'Alsace, qui franchissent le col. Et là, on trouve principalement, ça ne surprendra personne, de la verrerie, parce que les Vosges produisent du verre, et du verre de très grande qualité, on en parlera encore un petit peu après, et puis également du bois en très grande quantité. Ça, c'est bizarre, ça. Le massif des Vosges produit du bois. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ce bois voyageait énormément, et pas uniquement sur les rivières, voyageait également par charroi. Vous imaginez le poids d'un bois qui généralement n'est pas séché, qui est plutôt du bois vert, qui est plutôt lourd, hein, voilà, transitant à travers les cols, en direction du Rhin, et là, particulièrement, en direction de la Forêt Noire, ce qui paraît assez surprenant, et pour l'instant ça reste pour moi un petit peu une énigme, parce que la Forêt Noire est finalement assez jumelle, assez voisine dans la foresterie et la façon de gérer la forêt. Mais en tout cas, on a des charrois de planches qui franchissent le Rhin à Bâle, mais qui franchissent aussi le Rhin en direction de Fribourg. On a, après, dès 1255, pour le col de Bussan, on a le duc de Lorraine qui crée un péage. Donc il a fallu 5 années pour que le duc se dise « le flux est maintenant beaucoup plus important, on crée un péage ». Et dorénavant, bien sûr, donc avec les chanoinesses de Remiremont, parce qu'il y a toujours un débat avec les chanoinesses de Remiremont, ils se mettent d'accord et du coup, un péage. Donc d'abord à Bussan, ensuite à Remiremont. Alors à Bussan, pour une raison assez simple, c'est qu'à Bussan, c'est la halte, une fois qu'on a descendu, passé le col venant d'Alsace, mais c'est aussi la halte avant de franchir le col pour passer côté alsacien. Donc Bussan doit son développement à des tavernes, à des gîtes, à des étables, à des écuries. Il y a une très mauvaise blague d'un marquis du 19e siècle qui, évoque Bussan dans des conditions assez redoutables. Je parle vraiment d'un trou perdu, mais je m'arrêterai là. Le col du Bonhomme, maintenant, donner un petit peu ce qui transite par le col du Bonhomme. J'ai évoqué la verrerie pour le col de Bussan. La verrerie dans le col du Bonhomme est attestée à de nombreuses reprises, du verre qui vient de la forêt de Darnay en particulier, mais qui provient aussi de Saint-Quirin et de Raon-l'Étape. Raon-l'Étape qui est quand même citée au début du XVIe siècle comme étant la capitale de la chrétienté en matière de miroirs, vous savez, des miroirs en œil de poisson qu'on retrouve dans Van Eyck, par exemple, sur les époux à l'infini, si vous connaissez ce tableau qui est très célèbre. Eh bien, Raon-l'Étape et Saint-Quirin étaient les premiers producteurs de miroirs. Pire que ça, Le verre de Darnay était considéré au début du XVIe siècle par les verriers de Murano comme étant supérieur à la qualité du verre de Murano. Tout ça est attesté, vérifié, sourcé, etc. Le col du bonhomme, c'est aussi le grand col concernant le trafic des vins, puisque toutes les abbayes lorraines ont des vins sur le versant alsacien. Saint-Dié a juste des vins à Mörschwihr, Ingersheim et Unavir, qui ne passent pas pour être les pires des vignobles actuels alsaciens. Et donc, comme il faut vider les fûts au printemps pour la vendange, vous imaginez le nombre de tonneaux qui traversent, n'imaginez pas le nombre de tonneaux qui traversent l'école. Chaque chanoine de Saint-Dié, par exemple, reçoit 3 charrets de vin, ce qui correspond à 396 litres. Et vous imaginez par le nombre de chanoines, ça fait 288 tonneaux, 144 voitures, 36 convois de 4 voitures, uniquement pour le chapitre de Saint-Dié. Alors, les dates, c'est 1497, 1502, 1503, etc. On a du mal à imaginer. Quand vous mettez à côté le trafic également de bovins qui franchit le col, puisqu'on échange les bovins lorrains, sont vendus côté alsacien, sont vendus au prince, jusqu'au prince de Lippe. Donc on envoie des vaches vosgiennes jusqu'en Lippe pour voir, et ils transitent par le col du bonhomme. Mais sans doute peut-être que le point que personne n'a en tête aujourd'hui, c'est le trafic du hareng. Le col du bonhomme est le passage principal du trafic des tonneaux de hareng. Vous savez que les petits tonnelets, comme on les connaissait encore il y a 60-70 ans ici dans les Vosges, hein, manger du hareng fumé, c'était une nourriture qui était de base. Cette nourriture-là, elle est au moins attestée à la fin du XVe siècle dans le col. Et je vais vous donner des chiffres. Alors, le poisson, bien sûr, je ne vous refais pas l'histoire du carême, mais le poisson, c'est une base, le poisson de mer est une base de l'alimentation à côté des fèves, des pois, etc. Il n'y a pas de pommes de terre encore. Pommes de terre, ça vient beaucoup plus tard. Mais en tout cas, le hareng est vraiment fondamental. Il vient de la mer Baltique, il s'arrête à Colmar, il remonte l'île, le Rhin, l'île à Colmar. Le terminus, c'est Colmar. Et de Colmar, on envoie, si je puis dire, des tonnelets à travers toute l'Alsace et toute la Lorraine, à partir en particulier du col du Bonhomme. 1493, imaginez qu'on a envoyé dans le col du Bonhomme 353 500 harengs. En tonneaux. Évidemment, ils ne se baladent pas dans des caisses. En tonneaux. En 1497, on décompte au départ de Colmar avec le franchissement du col 802 000 harengs qui franchissent le col du Bonhomme. On en a un peu moins en 1526, 366 000. Voilà. Donc des tonnages, 35 tonnes de harengs en 1493, 80 tonnes en 1497, 36 tonnes en 1526. Tout ça dans des tonneaux qui en contiennent à peu près 1000. Le conditionnement, c'est à peu près 1000. Vous ajoutez les tonneaux de vin, vous ajoutez, vous voyez le trafic de ce col, fondamental évidemment dans des périodes de l'année qui étaient relativement restreintes. On n'y envoie pas que ça, on y envoie également du papier, puisque transite par le col du bonhomme pour les imprimeurs, par du sang, mais principalement par le bonhomme, pour les imprimeurs qui donc sont installés à Decelles, sont installés à Arche, grande papeterie, dont les noms sont encore très évocateurs sur notre versant, en direction de Bâle, en direction de Colmar, en direction de Strasbourg, chez les imprimeurs, alsaciens. Et en particulier, ce qu'on sait peu, c'est que la fameuse chronique de Chedel, qui est vraiment le monument incunable connu de tous les chercheurs, cette chronique de Chedel a été pour environ un quart imprimée sur du papier provenant de Decelles, évidemment, de m'échapper, c'est une grande université allemande, juste de l'autre côté du Rhin. C'est pas Bâle, c'est pas Fribourg, ça me reviendra. Pardon ? Heidelberg, merci, voilà, Heidelberg. Et donc, ce volume de papier, donc en feuille, posé sur des chariots, enfin voilà, vous imaginez. Et puis, le comble peut-être de l'ironie, alors vous avez des exemples, on voit le verre ici de Darnay, c'est dans la pompe funèbre de Charles III. Vous avez la fameuse chronique de Chedel qui n'est absolument pas à l'échelle, les cartes à jouer. On a des textes qui nous disent, voilà, les cartes, parce que le jeu, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on sait peu, elles sont également transportées à travers l'école. Le hareng, donc sous forme de tonneau, je vous ai mis une petite illustration pour, appuyer mes propos. Et puis, plus surprenant, je vous ai dit que le verre était transporté, mais on a des textes absolument fabuleux pour le col du bonhomme. Et on sait que ça s'est passé par ici, en tout cas, on a l'attestation par le péage de Kaisersberg. Je vous donne un exemple. Le chanoine de Saint-Dié, Jean Lairier, qui est mort en 1482, a une contestation sur son héritage. Il dira, on est un peu loin des trafics du col. Ben, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que le testament soit valable, on envoie les urines, les dernières urines du chanoine, à Colmar, chez un médecin qui s'appelle Conrad, et on les emmène à cheval, parce que c'est l'exécuteur testamentaire qui l'exige, pour savoir s'il n'a pas été empoisonné. Et donc, imaginons ce cavalier, avec ce flacon d'urine d'un chanoine mort, allant à Colmar pour vérifier, etc. On peut imaginer par là que tout type de produits, et j'ai pas parlé des idées, j'ai pas parlé des livres, des voyageurs, des religieux, des marchands, enfin un peu les marchands quand même, vous l'avez compris, de toute cette foule en fait qui finalement, aux périodes où c'est possible, transite par le col et finalement illustre le trafic marchand entre les deux versants, et qui prouve bien qu'au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, le trafic est particulièrement intense dans le massif des Vosges. Alors, comme je suis contraint par le temps, je ne peux évidemment pas aller beaucoup plus loin à ce stade. J'en profite quand même. Alors, je vous ai mis Saint-Côme et Saint-Damien, c'est pas parce que je m'appelle Damien, mais c'est quand même le patron des médecins. Et donc, vous avez ici le fameux urinal, hein, qui est vraiment un verre très connu au Moyen-Âge, hein, qui permet de recueillir les urines quand on se lève la nuit. Hein, ça nous arrive à nous autres, les hommes. Vous l'avez ici. Donc voilà, ce genre de fiole, c'était pour illustrer. Si vous souhaitez en savoir plus, il se trouve, et je fais rarement ça, mais je vais quand même le faire pour une fois, que j'ai sorti il y a 3 semaines un livre qui est l'épopée industrielle du massif des Vosges et qui reprend beaucoup plus en détail l'idée de la façon dont les échanges économiques ont commencé au Moyen-Âge et comment ces échanges se sont développés jusqu'à la période industrielle que nous avons connue. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était donc la conférence de Damien Parmentier, qui vient effectivement de sortir un livre sur l'épopée industrielle des Vosges. Il avait fait précédemment un livre sur les abbayes des Vosges, qu'on doit trouver toujours. Voilà, il est encore 20 minutes d'émission. On va aller, après un petit coup de... on va chercher Delphine, se défile, tiens, pour qu'elle se défile pas. Un petit coup de Delphine se défile. Synthèse, Vosgienne, bien sûr, même de Remiremont, je pense. Nous passerons un petit bout de la conférence, que je passe par petit bout, de la conférence de l'échange, du débat qu'il y a eu entre les écrivains vosgiens et belges le 10 septembre. J'en ai passé déjà des morceaux et c'est le moment d'en passer encore une petite tranche. Voilà, j'avais annoncé d'autres conférences, notamment celle de Francis Pierre, sur le... Je ne l'ai même pas annoncé tout à l'heure, je n'étais pas sûr qu'on pourrait la passer, j'en passerai ultérieurement sur l'hydraulique au TIO, je la renvoie tout le temps, cette conférence. Mais là, on a eu un contenu historique important, avec Damien Parmentier, et je préfère donc passer à la littérature. Bienvenue au musée des arts, ici il n'y a pas d'heure. Vous venez de vous séparer il y a de ça quelques années. La devise de la maison entrée gros sur le plafond. Mieux vaut être seul que mal baisé. Youpi, tralala, vous êtes célibataire. Youpi, tralala, y a plein de choses à faire. Youpi, tralala, quelle joie de revoir votre mère. Continuez sur votre droite, vous trouverez. Yeah. y a plein de choses à faire. Youpi, tralala, quelle joie de revoir votre youpi, tralala, vous êtes célibataire. Youpi, tralala, y a plein de choses à faire. Youpi, tralala, quelle joie. Oui, quelle joie de revoir votre. Delphine Sonnefier, chanteuse on ne peut plus caustique et locale. Et caustique, surtout. Voilà. Alors, allez, on rencontre écrivain belge et vosgien. C'était au musée de l'image le 10 septembre. Alors, voici un aspect, un morceau de cette rencontre. Voilà. C'était au début, dans l'introduction. Internet où je peux voir le nombre de livres vendus il y en a des honnêtes, par libraire. Je peux dire tel libraire. C'est très rare. Ah, oui. Oh, oui, oui, Academia, l'Harmattan. Oui, c'est l'Harmattan. L'Harmattan. Oui, mais l'Harmattan, c'est un éditeur ni compte d'auteur, ni machin. Là, vous payez quelqu'un pour publier. Non, parce que lui, il y a des tas de problèmes. L'Harmattan, il a eu des tas de soucis avec. Enfin, moi, je ne le conseillerais pas trop. Moi, j'y suis à mon cinquième bouquin. Tant mieux, hein, il doit y avoir des exceptions, comme toujours. Mais moi, j'en connais. Il y a Raymond Perrin, tu connais. Oui, bien sûr. Alors, je précise, c'est l'Harmattan en Belgique. Ah oui, parce que l'Harmattan à Paris, je n'ai pas de contact avec. Moi, je connais plusieurs auteurs. Je viens de parler de Raymond Perrin, qui est donc à. Vosgien, qui est un écrivain vosgien, qui ne fait pas partie de l'association, je crois pas. Non, non. Et qui publie à l'Harmattan. Mais lui, pareil, il ne sait jamais où il en est. Ah oui, moi ici, c'est très précis. Je connais le nombre d'exemplaires. Ça, c'est bien. Par libraire. Je savais que les Belges étaient plus rigoureux. Oui, on a toujours. Je pense que c'est. Ils sont un peu... On peut en parler aussi. Hein. Comment ? Ils sont un peu. Emmerdeur, pour ne pas employer un mot pas très poli, on a ce stéréotype-là. J'aime même beaucoup d'amis belges. Hein. Moi, j'aime bien. Même. Chez le pharmacien l'autre jour, en France, on nous a dit « Ah, les Belges sont bien en avance par rapport aux Français. » Oui, dans le domaine. J'ai entendu ça. Pharmacie. Avec les ordonnances. Ah oui, les ordonnances électroniques. Ah voilà, bon, j'ai fait un petit chapitre comme ça. Mais les éditeurs, il y aurait vraiment beaucoup pour en parler, oui, mais bon, alors c'est pas le but. Les assos, moi je sais pas, je suis venu avec une liste, Vincent, tu vas me dire si tu les connais tous. Je vois, oui, justement, c'est intéressant, parce qu'il y a... Parce que j'ai parlé de... On est une des associations... Non, d'auteurs, d'auteurs vosgiens. Est-ce que tu connais... Et Vincent, fais gaffe, si tu connais pas tous ces adhérents, c'est là où ce sera pas réel. Non, c'est pas forcément l'objectif. Pierre, c'est quand même un écrivain qui est né, pas dans les Vosges, mais bon, il est né à Senon, pardon, et c'est l'un des fondateurs du prix Interallié. Grand journaliste, c'est un écrivain vosgien. On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Je ne veux pas l'embêter lui précisément, mais parce que, en général, on s'occupe de ce qu'on fait. Voilà. On ne lit pas, parce que si on lisait, on serait déjà tombé sur un bouquin de Pierre Imbourg, parce que ça se trouve encore. Il est mort en 69, et ses bouquins se trouvent encore en librairie. C'est quand même quelqu'un. Ah oui. Ben oui. Il était le. Comment dire, il était poète, romancier, journaliste, etc. Ernest Guinguinbach. Alors lui, c'est un cas particulier. T'as entendu parler de lui ? Un petit peu, oui. Ah bon, il y a un bouquin qui vient de sortir là, cette semaine ou la semaine dernière, par Philippe Didion, qui vient de sortir un bouquin. Lui, c'est un séminariste un peu diabolique, qui s'est fait virer par les cathos. Il a été membre des surréalistes. Il a dû en faire un peu, parce que pour être diabolique et se faire virer par les cathos, j'en connais beaucoup qui ne se sont pas fait virer. Ah ben, il couchait. Ça devait être assez... Justement, ça suffit pas. Il couchait pas avec le plus vieux moyen du monde. Il couchait avec la maîtresse, l'ex-maîtresse de René Hardy, celle qui avait dénoncé Jean Moulin, par exemple. Enfin, c'était un type assez respectable quand même. Frédéric Potcher, t'en as quand même entendu entendu parler, parce qu'il est sur ta montagne. Oui, j'ai même fait un livre avec lui. Hein, voilà. Que je vous offrirai d'ailleurs. Sidonie Baba, est-ce que ça parle à quelqu'un? Sidonie Baba. Non. Oh, pourtant, il est vosgien. Qu'est-ce qui est important quand on lit un livre? Ah oui, mais voilà pourquoi ça me disait quelque chose. Non, non, mais c'est des gens, parce que moi, j'ai c'est des gens qui sont dans l'encyclopédia universelle. C'est des gens, bon, voilà. Mais ici, rien. Moi, quand je lis un livre, je ne me trouve pas mal. Henri Thomas, quand même, ça. Henri Thomas, on lui a consacré un cahier vosgien spécial. Marie Sils, ça parle à quelqu'un, Marie Sils? Oui, c'est vrai. Ah ben, je suis heureux. Parce que c'est pas... Elle est née à Épinal. Et elle a choisi, c'est un pseudonyme, parce qu'elle s'appelait Antoinette Marchal Scherer. Je ne savais pas comment elle s'appelait, mais... François Grégoire. François Grégoire. La littérature vosgienne. Alors, c'est un garçon particulier, celui-là, parce qu'il est né en 1914 à Remiremont, et il est mort à Saint-Labor en 1973. Et entre-temps, il a fait un doctorat en philosophie, il a publié plusieurs essais chez Que sais-je, et puis il était professeur à Varsovie, à Kaboul. Il était attaché culturel à l'ambassade de France en Thaïlande, au Brésil, au Venezuela, en Norvège, quand même. Et attaché culturel dans une ambassade, en général, c'est celui dont on m'accoute, hein, je suppose. Hein. Et donc, il a écrit des polars qu'il a publiés sous 3 ou 4 pseudonymes à la série noire. Mais aucun vosgien. Il y en a même, il y a 2 séries noires qui se déroulent à Épinal et à Charmes. D'accord, ouais. Ah, ça se connaît. Nul n'est prophète en son pays. Non, mais c'est pour ça que je dis, quel est l'intérêt? Pourquoi vous le saurez? Mais quel est l'intérêt d'une association si ce n'est pas, évidemment, de se parler de ce qui peut se faire ailleurs? Je vous dis, vous êtes... L'intérêt d'une association, si je peux parler... Ça peut être un des buts statutaires, tu veux dire. Oui, bien sûr, non mais... Éviter l'aspect alcoolique anonyme. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Mais vous mettez aspect alcoolique anonyme. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que... D'abord, on rigole bien, et quand tu dis que on est des travailleurs solitaires, c'est absolument vrai, mais justement, ça permet de se sentir moins solitaire. Ouais. Voilà. Ouais, exactement, c'est le on but. On partage les mêmes problèmes, le on a tous envoyé 50 manuscrits à des blaireaux qui ne les ont pas lus, etc. etc. Comment en sortir? Je trouve que c'est vachement positif, moi. Tout à fait. Et puis vous lisez les manuscrits des uns des autres? Mais oui. Ah oui, bien sûr. Vous les commentez, vous les corrigez? Personne ne permet pas de les corriger, mais on les donne personnellement. On donne des idées sur la suite à suivre. Oui. On échange, on se dit en Belgique. En tout cas, non, je vais pas dire en Belgique. Dans notre association, c'est un de nos objectifs, échanger nos écrits, se perfectionner. Et Richard, on fait des spectacles. Le nominatif de notre association, ça va être. Nous avons appelé ça l'auberge littéraire. Oui, j'ai vu. Auberge dit bien ce que ça veut dire. Une auberge, c'est un endroit convivial où tout le monde qui aime la lecture ou l'écriture est invité et peut participer ou pas. C'est une auberge espagnole. Écoutez, et nous avons deux buts, ce concours d'écriture dont vous parlez Richard tout à l'heure, qui fonctionne bien, je trouve, parce que la dernière fois, quand nous avons remis les prix qui étaient quand même financés un peu par le Brabant Wallon, le premier prix pour des jeunes, c'était quand même 300 euros. Le deuxième prix, 200 euros. Le troisième prix, 100 euros. Ils étaient très heureux. Nous avons lu les textes qui avaient été primés. Et je dois dire que nous avons retenu l'attention des auditeurs qui étaient intéressés par ce que nous faisions. Ça, c'est un but. Essayer de rajeunir un peu les rangs. L'autre but, c'est qu'une fois tous les 2 ans, nous organisons un week-end culturel dans une salle où nous avons joué la dernière fois une pièce de théâtre. Il y a eu un concert écrite par avec un écrivain qui écrit ses chansons, qui les joue, etc. Et donc nous avons attiré 400 personnes sur nos 2 jours qui sont venues écouter et qui étaient heureux. On a fait un spectacle poétique où on s'est pas mal défendu et les gens étaient heureux d'être là. Et nous avions parmi nous un écrivain belge connu que vous connaîtrez probablement, qui est Geneviève Damas, qui a... Ah bah ça, comment vous connaissez? C'est un auteur qui est publié chez Gallimard et qui est très connu, qui écrit des pièces de théâtre, qui est comédienne, etc. Et elle est venue jouer pour notre association. Vous nous enverrez les invitations. Évidemment, c'est gratuit. Vous avez des boissons. Oui, des boissons. On mange et on boit gratuitement. Absolument. C'est pas beau, ça. Non, mais c'est tout le monde se met en... Mais il faut créer quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Parce que ce qui fait le désamour des gens vers la culture, je suis désolée de le dire, mais c'est la banalité de la culture. les associations culturelles, elles foisonnent, et dans tous les coins, et elles font toutes la même chose, c'est-à-dire tourner en rond pour regarder leur nombril, excusez-moi, oui, d'être un peu piquante, et de dire ce que je pense. Donc, s'occuper un peu des autres, promouvoir des gens, voilà, dans l'espoir qu'un jour, ils nous renvoient l'ascenseur, peut-être, mais on ne le fait pas dans ce but-là, on le fait pour attirer un public et que le public qui s'en va soit heureux. Et ça demande du boulot, hein. Ah, oui, ça. Il nous faut 2 ans pour en faire un week-end. Je connais ça par cœur, j'ai gagné une partie de ma vie comme directeur de la culture à Épinal et à Saint-Quentin en Picardie. Donc je connais un peu ce milieu associatif. Bon, je ne vais pas vous dire on est tous bénévoles. Si ça vous est intéressant quand même que tu nous l'apprends. On est tous bénévoles. Et que dans notre site, lorsque on a un site qui s'appelle Plume 88, mais qui est changé, parce que Pierre Felzer est très âgé, il a l'US, et on est en train de réactiver un nouveau blog qui s'appellera Lien des écrivains vosgiens ou quelque chose comme ça, ou écrivains et écrivains d'ailleurs, parce que c'est vrai, il y a des écrivains, il y a beaucoup d'écrivains qui font des ateliers d'écriture, et qui n'arrivent jamais à émerger peut-être, mais qui participent à un tissu, à une volonté, et des jeunes, par les radios, des concours que nous lançons d'ailleurs, slam, etc. Bon bref, il y a des choses très bien. Alors c'est vrai que ça sera très intéressant que tout ce site le communique pour qu'on le fasse émerger, parce qu'effectivement, on connaît peu. Il y a une façon très rapide de faire, c'est faire un lien sur ton site, sur le site Écrivo. Parce que j'ai tapé de mes petits doigts depuis 20 ans. Mais bien sûr, on fera un lien sur Écrivo. Il est moderne, hein, Vincent, il n'a pas l'air comme ça. Non, parce que... Vous connaissez Suzy Duru? Ça vous dit quelque chose? Non. Je vais vous donner son pseudonyme, parce qu'elle est quand même née à Rambervillers, quand même. Son pseudonyme, elle n'a écrit qu'un seul roman, donc c'est un peu particulier. Son pseudonyme, c'est Sonciare de l'Arcône. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Bah, oui. C'est la jeune personne, elle est sans doute jolie, je suppose, qui s'est tuée au volant d'une voiture, qui était, enfin au volant, on ne sait pas lequel des deux était au volant, mais c'est Roger Nimier qui est avec elle. Ah, Roger Nimier, oui. Roger Nimier, ça vous parle un petit peu. Donc elle s'est tuée en 62 sur la route de Garches avec une voiture un peu sportive. Ouais. Ils sont avalés à un pylône du pont. Enfin voilà. Elle venait de sortir le bouquin chez Gallimard, l'année d'avant, La Messagère en 62, et c'était Roger Nimier, comme par hasard, qui était son directeur littéraire. Bien sûr, ça manque. Sinon, il y a des auteurs plus récents que là vous connaissez, enfin j'imagine. Mais... Oui, oui. Richard Grenier, quand même. Bah, évidemment, Yves Simon. Invité. Yves Simon, on a Simon fait le matin des poètes avec lui à Contrexéville. Il y a Gilles Laporte, Pierre Pellot, Roland Marx. Bien sûr, et Francis Huillet. Francis Huillet, est-ce qu'on se rappelle de lui? Moi, j'ai bien lu. Remarquable. Jean-Paul Germonville. Oui, bien sûr. En fait, tu nous fais la liste de tous les gens qui devraient être là. Oui. Tu résumes assez bien. Et pourquoi ces gens-là sont pas ta liste, là? Parce que ça les intéresse. Ben, j'ai pas tout donné au début. Lionel Florence, est-ce que ça vous parle? Bien sûr. Oui. Lionel Florence, toi, tu connais? Comment pas. Vous connaissez pas? Lionel Florence, c'est un parolier de chansons. C'est lui qui fait. Il chante aussi et il fait toutes les paroles de Pascal Obispo. Oui. Mais pas seulement Pascal Obispo, il est de Nomexi. Mais pas seulement Pascal Obispo, il a fait Flora Pagny, Michel Delpech, David Hallyday, Patricia Cass, Alain Chamfort, Calogero. C'est quand même. C'est un écrivain vosgien. Personne ne le connaît. C'est vrai qu'il se passe. Si on connaît ses chansons, on sait tout ce qu'il y a. Parce que j'écris des chansons. Il était content d'être méconnu. Benoît Dutertre. C'est pas ça, mais le fait d'être vosgien. C'est quand même un grand romancier, c'est le petit-fils d'un ancien président de la République. Et il a une maison du côté de. C'est vrai que j'avais posé la question. Mis à part le fait d'être ici ou d'être pas ici, on écrit bien, oui, c'est parce que. Voilà. Vous avez, il y en a plein d'autres. Vous avez une préférence pour des gens qui sont des Vosges. Ou bien vous êtes ouvert à d'autres. Alors, je dis que nous, on est des gens, on est dans ces. Enfin, moi, je suis Vosgienne, je suis néanmoins. Mais. Vous êtes donc. On est de Nancy, nous. Oui. On adhère à. Donc, oui, c'est peut-être le moment. On est pas secret. On va présenter quand même un petit peu, justement, ce qu'est ou ce qu'est pas, ce qu'on pourrait être, mais ce qu'a été l'Union des écrivains vosgiens. Écrivain de l'Est, d'ailleurs, c'était son origine. Oui. J'en reste une petite histoire. Justement, c'est une entreprise militante, oui, lancée par François Matenet, qui n'était pas un très grand écrivain, mais qui était un écrivain de tempérament, j'ai connu. Je connais des poèmes comme Gueule, mon frère, pour la peine des hommes. Il avait du coffre, il avait un désir de soulever les choses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a fait l'Union des écrivains vosgiens, écrivains de l'Est, dont nous sommes les héritiers. Alors, avec divers avatars dans cette aventure de 51 ans. Et il a voulu donc sauver de l'oubli les milliers et milliers de plumes. Alors, est-ce que publier les cahiers vosgiens, qui sont une revue qu'on continue encore, et dont vous aurez des exemplaires, on vous les donnera, qui ont toute une histoire modeste et plus ou moins modeste, mais enfin, est-ce que le fait qu'il y ait une fois une signature de quelqu'un qui a écrit et qu'on a oublié, est-ce que c'est important? Peut-être. Les littératures et l'art le moins facile. Je dirais, on a tous les peintres du dimanche qui peignent, qui mettent... Alors là, c'est bien le club qui se passe, c'est le... c'est pas les alcooliques anonymes, mais c'est les peintres anonymes, mais ils ont de quoi exposer. Et on s'aperçoit que la plupart des gens sont découragés de la littérature. Il y a une désespérance de la littérature, et c'est... parce que c'est difficile de se faire éditer, difficile même éditer d'être connu, et le côté militant de François Matenet, c'est d'avoir voulu sauver de l'oubli, sauver de la méconnaissance des tas de gens qui écrivent et qui ont envie d'écrire. Alors, on a donc toute une série de disques, toute une histoire qui s'est greffée là-dessus, des écrivains connus, d'autres... pas connus, beaucoup, la plupart pas connus, effectivement, qui sont passés à l'UEV, mais qui ont publié dans les cahiers vosgiens, qui ont trouvé là un peu d'espoir, un peu de joie. Et le fait aussi que de travailler la culture dans tous les milieux, y compris les milieux scolaires, et le fait aussi de faire des ateliers d'écriture à partir de 2003, a suscité un engouement pour l'écriture. Modeste, sans doute. Mais il y a aussi, je m'en rappelle, à Montpellier, il y a un musée de l'art modeste. Et ça existe aussi. Et je dirais que toute cette culture qui émerge, cette envie d'écrire, cet écrivain, ces écrivains ou écrivains, Union des écrivains, on a pensé que c'était peut-être aussi Union des écrivains, ou les deux, puisqu'on a quand même des gens qui publient des livres. On en a une partie maintenant, surtout à l'heure actuelle, qui adhère à l'UEV, en espérant trouver une promotion pour leurs livres. Bon, ça c'est actuel. Bon, et tout ça, c'est un mouvement qu'a voulu François Matenet. Alors, dans l'histoire, on peut dire qu'il y a eu l'histoire des cahiers vosgiens, il y a eu, à partir de 2003, les ateliers d'écriture, qui continuent avec l'UEV, mais hors UEV. Par exemple, demain, vous serez à côté d'un groupe qui s'appelle La Langue de Travers, qui fait aussi des ateliers d'écriture. Il y a d'autres ateliers qui se multiplient partout. Alors, pourquoi les gens se réunissent pour écrire? Et sans doute pas pour être connu, peut-être, ou peut-être parfois connu, mais pour surtout exprimer quelque chose qui leur sort dans les tripes. Et François Matenet était un homme qui était un homme de tripes, qui n'est pas très connu. Bon, on verra, tu connais François Le Château, où il y avait Gilbert d'ailleurs, que tu connais encore mieux. Et bon, François Le Château, on le célèbre chaque année, François Matenet, mais il y a un prix qui continue. Mais ce militantisme de la culture et de la littérature, c'est ce que, à divers titres, nous représentons. Voilà, eh bien, j'ai un petit peu débordé et je vais terminer quand même par un petit écho à Jacques Simard pour clôturer cette journée, cette soirée. Voilà, et à bientôt. c'était l'introduction de son concert à Souris Verte en septembre 17. Voilà, bonne nuit.